Demain, on se situera plutôt entre 28 et 32. Et le pic de chaleur, c'est pour jeudi, avec des températures encore légèrement supérieures. Vendredi et samedi, on va perdre quelques degrés, ça ne fera pas de tort, 26 à 30 en moyenne. Et puis, pour le week-end, il faudra surveiller l'approche d'orages à partir de l'ouest. Vous écoutez Viva, il est 9h. Et on s'informe, Sébastien Pierre, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Il y a trop d'antibiotiques dans les biberons de bébés. Les mutualités libres tirent la sonnette d'alarme. Elles ont analysé les prescriptions médicales délivrées à 300 000 enfants en 2014. Et voici le résultat. Ce qu'on a constaté effectivement, c'est que 3 bébés sur 4 reçoivent au minimum un médicament par an. Et en plus, si on regarde plus spécifiquement les antibiotiques, c'est un bébé sur 2 qui reçoit au moins un antibiotique dans l'année. Et en moyenne, c'est 3 boîtes d'antibiotiques. Donc ça nous semble quand même une consommation très élevée, certainement si on nous compare avec les pays qui nous entourent. Le docteur Anne Kuppens des Mutualités Libres, jointe par Nathalie Servet, donner trop d'antibiotiques aux nourrissons, ce n'est pas bon. Les microbes deviennent plus résistants et donc les médicaments moins efficaces. Et cela peut aussi provoquer des maladies chroniques à long terme comme l'asthme ou l'obésité. Et quand ils grandissent, eh bien, les enfants ont souvent peur de se rendre chez le dentiste, une phobie qui peut durer très longtemps. Un Belge sur 3 souffre de dentophobie. Vinciane Vautron a visité le cabinet d'un dentiste à Enghien qui met tout en œuvre pour que ses patients se sentent le plus à l'aise possible. Vous avez des frissons ou pire, mal aux dents, rien qu'en entendant le son de la fraise. Vous êtes peut-être atteint, comme 30% de la population, de dentophobie, à savoir la peur des soins dentaires. Ce dentiste anguiennois n'en gardait pas, lui non plus, un souvenir impérissable. Ce qui m'avait toujours frappé, c'était cette odeur un petit peu de dentiste qui était en réalité du détol. Il y a aussi le côté un petit peu froid de la salle d'attente, les murs blancs. Dans cette salle d'attente, l'ambiance est différente des cabinets dentaires habituels. Une fontaine, de la musique qui berce les patients, lumière tamisée. Christian Morel vient de se faire soigner une dent fêlée sans aucune appréhension. On vient pour se faire soigner et c'est toujours dans une atmosphère conviviale, c'est ça qui est agréable. Quand j'étais plus jeune, aller chez le dentiste, c'était vraiment quelque chose de terrible. Les techniques ont évolué, il y a aussi la manière d'aborder. Le moment le plus redouté, c'est souvent l'anesthésie. Pour les patients les plus sensibles, ce praticien applique des huiles essentielles de camomille ou de menthe. L'odeur se répand dans le cabinet et même dans la salle d'attente où l'effet est parfois soporifique. On peut retrouver un patient endormi quoi, ou bien qui dit « Oh, je m'endormais ». Donc en principe, c'est que ça va quoi. Ambiance zen donc chez ce dentiste d'Enghien, c'était un reportage de Vinciane Vautron. Le fils de l'imam radical de Dizon passera les 3 prochains mois à l'IPPJ de Braine-le-Château. Le juge de la jeunesse a décidé de le placer sous surveillance dans cet institut public de protection de la jeunesse. Il y a 2 semaines, ce jeune de 17 ans a publié une vidéo dans laquelle on le voit circuler dans les rues de Verviers tout en proférant des menaces à l'égard des chrétiens. Il a été interpellé dimanche à son retour de vacances. Vous êtes de plus en plus nombreux à travailler depuis chez vous. Le travail à domicile ou le télétravail a augmenté de 20% ces 5 dernières années. C'est surtout vrai à Bruxelles où la hausse dépasse les 30%. Et cela, tout secteur confondu, public et privé. Mais si le télétravail est de plus en plus mis en avant par les entreprises, les patrons ont encore du mal à faire confiance à leurs employés. Écoutez François Pichot, professeur de sociologie à l'Université de Liège. On se rend compte qu'aujourd'hui, le management intermédiaire, la ligne hiérarchique, continue à multiplier les contrôles comme si le travailleur était toujours en présentiel. Et donc, on n'hésite pas à voir s'il est logué, à lui envoyer des SMS, à lui téléphoner pour voir s'il est face à son écran. Alors que ces formes de travail à distance supposent un tout autre mode de management où on est davantage responsabilisé et où donc on se fixe des objectifs à atteindre. Et puis, il n'y a évidemment plus de contrôle permanent sur la façon de réaliser le travail. Là, on se rend bien compte que les organisations ne sont pas encore tout à fait mûres aujourd'hui. On a beaucoup d'exemples où les travailleurs souffrent d'ailleurs d'un excès de contrôle, où à la fois ils sont contrôlés sur les résultats qu'ils atteignent, mais également sur le fait qu'ils sont bien présent derrière leur écran. Et là, c'est clair qu'il y a encore des évolutions à attendre du point de vue managérial. François Pichot, professeur de sociologie du travail à l'Université de Liège, il était joint par François Gillin. Les pommes et les poires sont bientôt mûres, ce qui veut dire que l'heure de la récolte approche. Et pour la deuxième année de suite, les producteurs font la moue. La Russie n'a toujours pas levé l'embargo sur les produits alimentaires européens. Embargo décidé en représailles aux sanctions économiques imposées par l'Union européenne. Les producteurs belges sont donc privés d'un gigantesque marché. André Goffin est fruiticulteur à Rozoux, c'est en province de Liège, et il essaye tant bien que mal de trouver de nouveaux clients pour écouler ses poires conférences. Les conférences que vous voyez ici devraient être récoltées dans une quinzaine de jours. Donc on détermine la date de la récolte en fonction de la richesse en sucre des poires. Et elles sont cette année-ci particulièrement riches en sucre, donc elles vont être de très très bonne qualité. Alors cette récolte, ce sera déjà la troisième depuis que la Russie a décrété un embargo quasi total sur la nourriture en provenance d'Europe. Certains rêvent aussi de trouver un nouveau client géant comme la Russie qui serait capable d'écouler les pommes et les poires belges. Ça, c'est une possibilité également. Il y a des possibilités, mais ça se fait très lentement. Ça se fait très très lentement. Par exemple, la Chine est devenue un client de notre coopérative Saint-Tron, mais ce sont encore des volumes relativement faibles qui partent. Mais sans quoi, notre poire est très appréciée. Nous avons vraiment d'excellents fruits et un excellent climat pour les produire, donc on a quelques chances de notre côté. André Goffin, producteur de pommes et de poires en province de Liège avec Baptiste Dupin et Ariane Dufresne. Et puis en sport, Sébastien, les athlètes belges rentrent à la maison ce soir. Ils rentrent de Rio, mais pas la peine de les attendre dans le hall des arrivées de l'aéroport de Bruxelles, puisque pour des raisons de sécurité, ils sortiront d'une zone non accessible au public. Écoutez les explications de Pierre-Olivier Beckers du COIB. Tout d'abord, aujourd'hui, évidemment, la famille, les proches des athlètes seront présents pour les accueillir sur place à l'aéroport. J'y serai moi-même et d'autres personnes. Mais plus tard, nous allons, comme nous l'avons fait après Pékin et après Londres, nous allons célébrer les performances de tous les athlètes lors du mémorial Ivo Van Damme. Et l'ensemble des athlètes du Team Belgium sera invité dans le stade de Roi Baudouin et sera mis en avant. À ce moment-là, ce sera certainement un très beau moment pour eux, puisqu'il y a 45 000 personnes présentes et de très nombreux téléspectateurs. Et je crois qu'il y aura aussi beaucoup de monde à l'extérieur du stade. Le président du comité olympique interfédéral belge au micro, Déby Brouzakis, et le mémorial Van Damme, ce sera le 9 septembre prochain. On file sur les routes où il y a de plus en plus de monde ce matin, Stéphane Piedboeuf. Eh oui Sébastien, c'est fini les vacances. La preuve avec les axes qui convergent vers Bruxelles où on perd encore 25 minutes sur le 411 en venant de Namur à partir d'Overijse. Une demi-heure supplémentaire sur le 40 qui vient de Gand où vous ralentissez entre Herpomer et Ternate. 20 minutes supplémentaires sur le 40 qui vient de Liège entre Asserode et Berthem. Et puis sur le ring de la capitale, là où on perd le plus de temps, eh bien, c'est entre Ittre et le carrefour Léonard. 28 minutes en plus, une demi-heure supplémentaire en circulation intérieure entre Ittre et Grand Bigard, et puis dans Bruxelles, des ralentissements du tunnel Roger au tunnel Arlois vers le midi, et puis dans la liaison du tunnel Stéphanie et dans le tunnel Louise vers la Basilique. Par ailleurs, un véhicule est en panne sur le 19 entre Mons et Bruxelles à hauteur de Nivelles Sud. La voie de gauche est partiellement entravée en direction de Bruxelles, ça vous ralentit. Des ralentissements engendrés par des travaux sur la nationale 25 Nivelles Corbet à hauteur de Bouzeval, des files sur plus de 5 km, 25 minutes supplémentaires en direction de Corbet, et puis un accident sur le 403 qui relie Tournai à Bruges à hauteur de Rosselières. Les voies de gauche et centrale sont neutralisées, 3 km de file et c'est 40 minutes supplémentaires en direction de Bruges. Bon courage. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Très belle journée sur Vivacité, sur la Une, en télé. Le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Ouais, deuxième jour de cette saison qui redémarre. À vous la parole. Avec la carte Cora et le bon du Folder, 40% sur un article au choix au rayon papeterie. Prenez le plus cher. Une rentrée comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora, conditions en magasin. Tous les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats et vos appels déterminent la suite de la conversation. Au 070-233-466, à Genappe, Écolo demande aux seniors de renoncer à leur colis cadeau alimentaire donné par la commune pour le donner aux réfugiés. Est-ce que vous conseillez aux seigneurs de Genappe de renoncer ? À Genappe, les 2200 seigneurs de la commune ont droit chaque année à un colis cadeau qui est composé de boîtes de conserve, de biscuits, de chocolat, bref, de petits plaisirs issus de la grande distribution. 1600 seigneurs le prennent, 600 n'en feraient pas la demande. Eh bien, voici l'idée qui bouscule un peu le CPS de la commune qui n'en veut pas. Écolo lance une opération qui s'appelle détournement et demande à chaque senior qui prend ce colis d'aller le déposer dans un des dépôts prévus pour laisser ce colis aux réfugiés. L'ensemble des produits à la fin de l'année sera reconditionné et distribué au moment de Noël aux réfugiés. Le CPS coince parce qu'il envisageait d'abord de redistribuer les colis aux seniors de plus de 65 ans dans le besoin, mais aussi, dit-il, parce que les réfugiés bénéficient déjà d'autres subsides. On voit l'opération Solidarité qui se cache derrière. Alors la question pour vous ce matin, à Genappe, Écolo demande aux seniors de renoncer à leur colis cadeau alimentaire donné par la commune pour le donner aux réfugiés. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer ? Marc Goblet fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique avec un impact possible sur la mobilisation ? Depuis des mois, officiellement, Marc Goblet allait bien et souffrait d'une pharyngite. Malgré son énergie et ses envolées lyriques, on se souvient de celle-ci. De parler comme ça, mais c'est un gouvernement qui est composé d'une bande de gamins de merde qui ne respectent plus les travailleurs. Tous ces jeunes ministres qui n'ont jamais vu une entreprise. Eh bien, malgré ses envolées lyriques, le voile qu'il avait sur sa voix ne dupait personne. Le secrétaire général de l'FGTB fait un pas de côté pour se soigner. On parle d'une maladie orpheline et on imagine ce choix cornélien. Arrêté en plein vol, à quelques jours de la grande manifestation du 29 septembre et de la grève générale du 7 octobre, s'arrêter à une encablure de la négociation de la réforme sur le temps de travail et la gestion de l'accord interprofessionnel 2017-2018, la FGTB confie l'intérim à d'autres. C'est la question pour vous ce matin. Marc Goblet fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique avec un impact sur la mobilisation ? Et puis au 070-233-466, si nos bébés et enfants consomment trop d'antibiotiques et antidouleurs, comme l'affirme l'enquête des mutualités libres, comment soigner un rhume et douleur sans médoc ? Point d'interrogation. Conclusion donc du baromètre Kidoscope des mutualités libres. Nos enfants et ados surconsomment les médicaments. 2 enfants sur 3 en consomment plusieurs fois par an. En tête donc les antibiotiques avec la palme à l'amoxicilline, utilisés pour les infections bactériennes pulmonaires ou de type nez-gorge-oreille. En 1 donc antibiotiques. En 2 les bronchodilatateurs réservés à l'asthme, mais qu'on utilise aussi pour autre chose. En 3 les anti-allergiques et en 4 les antidouleurs. Les médecins s'inquiètent de cette surconsommation, mais c'est la question pour vous. Si c'est dangereux, si nos enfants et bébés en consomment trop, alors comment on soigne un rhume et les douleurs chez un enfant si c'est sans médoc ? Le standard est ouvert, Marion Jomot. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, 3 débats, donc c'est vous qui le dites. En bref, des colis pour seniors détournés, le retrait de Marc Goblet et la surconsommation d'antibiotiques pour les enfants. Les premiers à donner leur avis sur les 3 sujets de ce matin s'installent en ce moment dans le studio. Il s'agit de Nawal Ben Salem, journaliste à la dernière heure, et François Heureux, rédacteur en chef de Viva Bruxelles. François Nawal, bonjour. Bonjour. Bonjour. Premier débat donc sur la table, ce geste de solidarité dit détournement par Écolo section Genappe qui demande donc aux seniors qui avaient ce colis de ne plus le prendre pour le donner aux réfugiés qui le récupéreront à la fin de l'année. Nawal, est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer au colis et de le laisser à d'autres ? Non. Non ? Non, je ne vois pas pourquoi est-ce que eux devraient s'en priver et je ne vois pas très bien le sens de la démarche. J'estime que si Écolo veut aider les réfugiés, très bien, eh bien qu'il constitue de nouveaux colis pour ces réfugiés ou qu'il propose aux seniors éventuellement de les donner s'ils en ont l'envie. Mais priver les uns pour donner aux autres, non, je ne suis pas d'accord. Votre position, François, et puis on discute. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de donner leurs colis à d'autres et de renoncer ? Alors, je serais plus nuancé. C'est vrai que présenté comme ça, ça peut paraître un peu étrange. Précisons quand même que visiblement, ce n'est pas une aide de première nécessité. C'est un cadeau. C'est un colis cadeau. C'est un cadeau qui, visiblement, selon Écolo, moi je ne l'ai pas vu, était un peu ridicule. Il y avait des saucisses, des spéculoses, produits blancs, etc. Donc voilà, on ne leur enlève pas le pain de la bouche. Cette année, il y a du Porto dans le colis. Voilà, c'était un petit cadeau qui, visiblement, n'avait pas une grande valeur. Donc moi, je ne pense pas que ce soit un sacrifice immense. Voilà, si ce cadeau qui n'était pas génial peut contribuer à la solidarité envers les réfugiés, pourquoi pas ? J'ai pas l'impression qu'on ôte le pain de la bouche à des seniors dans ce cas-ci. Je voudrais votre avis sur la terminologie, parce que Écolo ne parle pas d'un don, mais appelle ça l'opération détournement. C'est eux qui, dans le fond, ont l'air de se tirer une balle dans le pied. C'est un détournement ? Oui, alors c'est vrai que là, c'est sans doute un peu malheureux aussi, la façon dont Ecolo présente lui-même sa propre opération qui, on le sait, va être un peu polémique. Il la rend encore un peu plus polémique en l'appelant détournement. Non, je ne pense pas que ce soit un détournement. Je crois que c'est simplement une aide, je le répète, qui visiblement n'est pas une aide de première nécessité, qu'on utilise à autre chose pour des gens qui en ont sans doute un peu plus besoin. Voilà. J'ai compris votre position, Nawal, mais un mot sur la suite. Est-ce qu'on peut vraiment dire, comme le fait le CPAS de Genappe, attention, les réfugiés, ils bénéficient d'autres subsides, d'autres mesures liées au logement, donc on n'a pas besoin de leur donner plus que ce que le système a prévu. Mais ça, je n'irai pas jusque-là. Certainement que les réfugiés ont encore besoin, surtout de vivre. Maintenant, que ce soit un don, que le senior se dise « Bon, allez, je n'ai pas vraiment besoin de ce paquet de biscuits, je vais aller le donner, d'accord. » Mais c'est le détournement qui pose problème, c'est que ça devient limite une obligation. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec ce projet, parce que vous dites que ce n'est pas nécessaire. Non, sur base volontaire, mais pas de chaque senior. Ils veulent carrément supprimer tous les colis aux seniors. Donc finalement, c'est pas vraiment volontaire. Ils demandent aux seniors de sacrifier leur colis pour le donner. Oui, mais ils veulent la suppression de la distribution de ces colis. Donc au final, c'est quand même une obligation. Le senior n'aura pas vraiment le choix puisqu'on va tout supprimer. On va pas garder certains colis pour les uns et d'autres non. C'est ça qui me dérange. Et vous dites que ce n'est pas nécessaire. Moi, je pense au contraire que certains seniors, dans ce colis, il y a de la soupe, il y a des pâtes, il y a des seniors qui n'ont quasi rien, qui ont peut-être 300 euros par mois et qui ont besoin de cette soupe et de ses pâtes, et je pense que ça ne va pas non plus tuer Ecolo de créer d'autres colis si vraiment les réfugiés en ont besoin. Qu'est-ce qu'on fait, François, avec cette petite guerre de destinataires qui s'installe? Donc Ecolo dit le colis cadeau, donnons-le aux réfugiés, le CPAS dit non, moi si j'ai des surplus, je veux les donner aux plus de 65 ans en difficulté. Donc on a deux destinataires qui, par la force des choses, sont un peu en concurrence. Mais de nouveau, c'est une manière un peu malheureuse de présenter la chose. On oppose toujours l'aide aux réfugiés à l'aide à nos pauvres, comme s'il fallait aider les uns et pas les autres. Il faut aider tout le monde. Voilà. C'est pour ça qu'en soi, ici, l'opération est malheureuse. On dit on va supprimer quelque chose. En tout cas, on le présente comme ça. On va supprimer quelque chose à nos pauvres, entre guillemets, pour le donner aux réfugiés. De nouveau, on présente ça de manière polémique, alors qu'on pourrait très bien aider tout le monde sans opposer qui que ce soit, me semble-t-il. On demande un avis à Jambes. Alain est en ligne. Bonjour. Bonjour Benjamin. Donc à Genappe, Ecolo demande aux seniors de renoncer à leur colis cadeau alimentaire donné par la commune pour le donner aux réfugiés. Oui. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer à ce colis? C'est un choix individuel de toute façon. Mais vous avez bien un conseil. C'est ça la question. Conseiller un senior de Genappe qui ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il doit renoncer à son colis? Non, en bon sens, non. Non. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que les réfugiés ont aussi droit à des colis à la Saint-Vincent de Paul, dont je suis par exemple. Et il y en a de plus en plus qui s'amènent là. Ils ont droit à quoi dans le colis? Les seniors sont de plus en plus précarisés chez nous. Avec des petites pensions bien souvent qu'ils ont, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc, donner leur colis, mais c'est encore une fois un choix individuel, mais c'était une très mauvaise idée, à mon sens. Je vous fais la même question qu'aux autres, Alain. Est-ce qu'on peut encore se réfugier derrière? Il y a déjà des colis, déjà des aides au logement pour les réfugiés, donc ils n'ont pas besoin de petits gestes supplémentaires. Mais non, ça suffit, les gestes supplémentaires, quand on sait qu'il y a des privilèges qui sont réservés aux réfugiés, comme l'accès... Il n'y a pas de privilèges, ils ont des droits. Des droits, ce n'est pas des privilèges. Alain, des droits, ce n'est pas des privilèges. J'entends. Oui, privilèges. Okay, donc parce que quand on réussit à sauter au-dessus des gens qui attendent depuis 5 ans un logement social parce qu'on est réfugié, et uniquement à ce titre-là, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Alain, de quoi parle-t-on? On ne parle pas d'un colis de première nécessité, on parle d'un colis cadeau qu'un senior de Genappe reçoit une fois par an, dans lequel il y a des saucisses zouanes, des biscuits et cette année du Porto. Un senior ne peut pas se délester de ça. Ça va être bien reçu, ça, hein? À la poubelle, oui. Ok, c'est la lecture que vous donnez, ce conseil aux habitants de Genappe. Ne donnez pas votre colis. On termine sur le contenu, vraiment, de ce colis. Un biscuit, une saucisse ou un saucisson et du Porto. Est-ce qu'un réfugié a besoin de ça, Nawal? Bah justement, voilà, alors il n'y a pas de polémique et je ne vois pas pourquoi on veut détourner, puisque il y a du Porto, de la saucisse et des biscuits. Est-ce qu'ils en ont réellement besoin, les réfugiés? Est-ce que ça va réellement changer leur vie dans ce cas-là? Non. Donc à quoi ça sert de supprimer ce colis pour les seniors dans ce cas-là? Gardons-les et puis offrons d'autres choses aux réfugiés, et c'est tout. Il n'y a pas que ça, et ce n'est pas chaque année, donc je peux changer la composition du panier si vous voulez, François. Donc il y a du Porto cette année, il y a des biscuits de type tuques et des boîtes de conserve. Est-ce qu'un réfugié a besoin de ça ? Un seigneur non plus, alors personne n'a besoin de ça, mais ça fait toujours plaisir, donc pourquoi pas un réfugié, pourquoi pas tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà, est-ce que de nouveau il faut faire une distinction entre ces gens ? Je ne pense pas. À vous de vous prononcer, à Genappe, Écolo demande au seigneur de renoncer au colis cadeau alimentaire donné par la commune pour le donner aux réfugiés. Est-ce que vous conseillez au seigneur de Genappe de renoncer ? Dans un instant, deuxième débat. Marc Goblet fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd son leader charismatique ? Ensuite, si nos bébés enfants consomment trop d'antibiotiques et antidouleurs, comment on soigne un rhume et douleurs si on donne pas de médoc ? Et puis 10h45, la question qui dérange. Le fils de l'imam de Dizon qui voulait tuer des chrétiens dans une vidéo tournée en plein Verviers est envoyé en IPPJ pendant 3 mois. Question qui dérange. En 3 mois, est-ce qu'on va changer sa philosophie ? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Avec vous Sport World, le meilleur du sport international débarque chez vous. Cette offre est disponible pour 14,99€ par mois. Ce qui va Federer. Pas mal de monde. Alors pour profiter de l'excellente compagnie de vous Sport World, allez vite dans une boutique vous sur vous.be ou au 0800 800 25. Vous verrez, ils sont... Couture ! Si vous aimez le sport, vous devez avoir vous Sport World. Offre soumise à condition. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois ? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey ? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit ? Vivacité à Liège. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. En fonction de vos appels, vous nous direz quelle conversation vous intéresse le plus pour la deuxième partie avec Nawal Ben Salem. C'est la dernière heure, les sports, et François Heureux, journaliste à Vivacité. Deuxième débat, Marc Goblet, qui fait donc un pas de côté pour se soigner. Ça faisait des mois qu'on se demandait quel était ce trouble et ce voile sur la voix. Pudiquement, il avait toujours dit fatigue, angine et problèmes légers. Il fait un pas de côté pour se soigner, très clairement, dans un moment de lutte syndicale. Est-ce que la FGTB, François, perd un leader charismatique ? Est-ce que c'est un coup dur, ce pas sur le côté de Marc Goblet ? Ah, d'abord, ce n'est pas une surprise, hein, comme vous l'avez déjà dit. Effectivement, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on le sent diminuer, affaibli, un peu amaigri. La surprise, c'était le camp. Quand est-ce qu'il va s'arrêter ? Voilà. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur moment. Vous l'avez dit, on est en plein dans une lutte où les mouvements sociaux sont en pointe. On a un gouvernement très marqué à droite. Ça fait longtemps en Belgique qu'on n'a plus... un gouvernement qui n'est pas une coalition avec des partis du centre ou de gauche et des partis de droite. On a vraiment un gouvernement clairement marqué à droite. Et donc, une opposition très forte entre un gouvernement qui prend des mesures assez claires et des mouvements sociaux, c'est pas le meilleur moment, effectivement, pour la FGTB de perdre ainsi son leader. Mais donc, ça veut dire, Nawal, que dans ce contexte-là, il fallait un tribun, une carrure. On a réentendu l'envolée sur les gamins de merde, il y en a eu d'autres dans son parcours. Il fallait un tribun pour être entendu ? Mais le souci, c'est que maintenant, on va évidemment pas retrouver quelqu'un comme lui, dans le sens où ses propos ont été vraiment polémiques. Mais parfois, ça a causé du tort aussi à la FGTB. Hein. Il faut pas l'oublier. Ah, il était trop tribun, parfois. Ben, oui, parfois. Parfois, on se concentrait plus sur ses propos scandaleux. Il faut l'avouer quand même. Il faut pas oublier que parfois, ça a été très, très loin envers les étudiants, notamment. Donc, on s'est plus concentré là-dessus, finalement, que sur le combat de la FGTB. Les étudiants, à propos de la grève des bus, il avait dit « Je ne peux pas imaginer que des étudiants ne sachent pas trouver une alternative. » Et puis finalement, la FGTB a dû s'excuser. Oui, et puis visiblement, il n'aimait pas les femmes. Enfin, il y avait plein d'autres choses hein, derrière. Donc, je pense que finalement, son retrait peut également faire du bien à la FGTB, dans le sens où on ne va peut-être pas se concentrer sur les scandales systématiques liés aux propos, mais qu'on va peut-être... plus se focaliser sur les réels objectifs de la FGTB. Maintenant, bien évidemment, je lui souhaite que tout se passe bien pour lui, parce qu'il est quand même resté jusqu'au bout, il a nié ce qu'il avait, il faut le faire, hein. il a laissé passer les élections sociales, et puis ensuite, il s'est attaqué à son problème personnel, donc là-dessus, chapeau. Ah bah alors, votre lecture, mais la partie privée nous intéressera peu ce matin, mais votre lecture quand même là-dessus, ça a tourné au martyr, François, de même que Jean-Paul II est allé au bout, oh non. Marc Goblet est allé au bout, ça a tourné au martyr. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'on va garder l'image. Et est-ce que c'est voulu ou pas, ça je ne pourrais pas vous le dire, mais on va garder l'image d'un homme qui qui s'est accroché, qui a continué à lutter, et ça a dû être dur, effectivement. Hein. Vous sous-entendez qu'il y a eu un peu de stratégie de communication? Non, je ne le sous-entends absolument pas. Alors on fait bien de le préciser. Oui. Ok, donc il a été au bout de son parcours. Honnêtement, est-ce que c'est une occasion de moderniser un peu? Parce que Nawal a rappelé sa position sur les femmes, sur les étudiants, les différentes polémiques. Est-ce que c'est une occasion, en fait, pour les FGTB de changer d'image? Peut-être. Maintenant, comme c'est un départ qui n'a pas été pensé, que c'est pas quelqu'un qui a été élu qui va arriver là, je ne sais pas si c'est l'occasion ou non. Je crois qu'ils vont assurer l'intérim. Thierry Baudson va sans doute monter en première ligne, puisque c'est lui qui a le plus de visibilité et de pouvoir en dessous de Marc Goblet. Patron de la FGTB Wallonie. Voilà, Thierry Baudson, c'est pas non plus n'importe qui, c'est quelqu'un qui peut aussi être assez charismatique. Je pense qu'il y aura un impact sur la mobilisation, mais n'oubliez pas aussi l'impact sur la négociation, parce qu'il faut aussi quelqu'un qui puisse, à la table, avec les représentations patronales ou avec les différents représentants du gouvernement, il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse négocier et amener la position des travailleurs de manière forte et convaincue. Ah ben vous nous direz dans un instant, Nawal, si le gouvernement fait un ouf de soulagement en apprenant son départ. On va d'abord se connecter au 070-233-466. Marion, Marc Goblet fait donc un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique avec un impact sur la mobilisation à ce propos? Eh bien, à ce propos, pour Hélène Despa, qui ne pouvait malheureusement pas passer son commentaire elle-même vu qu'elle arrivait au travail, eh bien non, la FGTB ne perd pas un leader. Ce pas de côté, Marc Goblet, eh bien, ce n'est pas une surprise, explique Hélène. Ça fait quelques mois qu'on voit qu'il a une très mauvaise mine, il a maigri, il est cadavérique, il n'a presque plus de voix. Alors Marc Goblet a pris la bonne décision, estime Hélène. Il faut savoir faire ce pas de côté et laisser la main à quelqu'un d'autre quand on n'est plus en état de gérer un syndicat comme la FGTB. Alors s'il était resté à la tête, eh bien Hélène estime que ça aurait été plus négatif pour le syndicat que positif. Un leader affaibli n'est pas un bon leader, c'est la conclusion qu'Hélène a donnée. Ah bah alors parenthèse là-dessus, Nawal, il était temps, vu l'image et la capacité physique qu'il avait encore, il était temps qu'il parte. Bien sûr qu'il était temps, et je me demande si on ne l'a pas finalement forcé à faire ce pas de côté, parce qu'il est resté déterminé jusqu'au bout, et j'ai l'impression que là, on lui a dit stop. Maintenant, est-ce que le gouvernement peut pousser un ils disent ouf ou pas, parce que c'était un opposant fort, à la voix médiatique forte. Hein. Mais médiatiquement, je pense qu'ils peuvent dire ouf, parce que médiatiquement, Marc Goblet, sans le vouloir, prenait beaucoup de place. Donc à ce niveau-là, je pense qu'ils seront rassurés. Maintenant, autour de la table concrètement, est-ce que les remplaçants vont avoir moins de force? Ça, je ne dis pas. Est-ce que ça remet en cause le succès, la qualité, la pertinence, François, de la grande manif du 29 septembre et de la grève générale du 7 octobre? On sait ô combien la FGTB était plus impliqué dans ces mouvements très démonstratifs, là où la CSC était parfois plus sur la réserve? Non, je ne pense pas. Peut-être que même qu'au contraire, il y aura un élan supplémentaire pour rendre hommage à celui qui a, même s'il n'est pas disparu loin de là, mais pour rendre hommage à celui qui a dû faire un pas de côté, mais qui a mené la lutte jusqu'au bout de ses forces. Peut-être qu'au contraire, il y aura un élan en plus lors de ces manifestations-là. Ah, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous êtes syndicaliste de gauche, vous êtes affilié à la FGTB, votre avis évidemment compte, puisque vous venez de perdre un leader charismatique, ou pas. C'est selon, ce sera à vous de trancher. Marc Goblet fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique et donc un impact sur la mobilisation? Nous verrons quelle est votre position dans un instant. Dans une seconde après la pause, troisième débat sur la table. Si nos bébés et nos enfants consomment trop d'antibiotiques, comment on fait pour soigner un rhume et douleur sans médoc? Et puis 10h45, la question qui dérange. Le fils de l'imam de Dizon, celui qui dans cette vidéo tournée en plein Verviers, souhaitait tuer des chrétiens. Eh bien ce jeune homme de 17 ans est envoyé en IPPJ pendant 3 mois. 3 mois, est-ce que ça pourra le recadrer et stopper sa philosophie? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Le Monde Sauvage présente sa nouveauté 2016, Fraxinus. Tentez l'aventure en toute sécurité dans un parcours unique au sommet des arbres. Le Monde Sauvage des Wai et Fraxinus Aventure, E25, sortie 46. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon. Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jaline ? Ouais ? C'est toi qui as débranché la prise du manège ? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Il y a des matins... T'as ton cartable ? Check. Ta boîte à tartines ? Oh, check. Et ton CC Mail ? Double check. Qui ne changeront jamais. Oh, t'as tes clés ? Check. Ton ordi ? Check. Et ton CC Mail ? Double check. CC Mail, à savourer à tout moment, en route ou pendant votre pause. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Vous avez un avis parce que vous êtes concerné ou un regard extérieur. Venez à nous avec Nawal, la dernière heure, avec François, journaliste Vivacité. Troisième débat sur la table. Donc, d'après cette étude des mutualités libres, nos bébés et nos enfants surconsomment les antibiotiques et les antidouleurs. Donc, top 1, la surconsommation antibiotique. Puis, en 2, les bronchodilatateurs réservés à l'asthme. En 3, les anti-allergiques. Et en 4, les antidouleurs. Nawal, comment on peut soigner un rhume chez bébé, un enfant de bas âge, si on n'y va pas au médoc ? Parce que cette étude nous dit que c'est mal, changer de méthode. Comment on fait si c'est pas au médoc ? Mais on ne fait pas. Moi, j'ai vécu le cas. J'ai des filles de 4 ans et il y en a une des deux qui ne sait pas se moucher. Donc, on m'a dit, donnez-lui du Flumicil, qui est un antibiotique. Tous les jours, donnez-lui ça pendant des mois s'il faut, parce qu'elle ne sait pas se boucher. Donc, ça va dans ses oreilles. Elle a des soucis de surdité. Donc, ça bouche complètement ses oreilles. On n'a pas le choix. C'est sur injonction médicale, du coup. Bien sûr. Et on m'a dit, prenez ça tant que vous pouvez, tant qu'elle est enrhumée, donnez-lui ça, sinon ça va être pire. Donc, est-ce qu'on a une autre solution ? Ben non. C'est le constat de terrain que je vous demande, François, sur notre réflexe avec des bébés, des jeunes enfants malades. On a le réflexe médicament, nous autres les Belges, parce qu'on va aller vite dans la guérison. Le témoignage de Nawal m'étonne un peu, effectivement, parce que c'est vrai que prescrire un antibiotique à une enfant qui ne sait pas se moucher, à mon avis, il y a quand même d'autres moyens. Oui, mais elle a des soucis. Oui, hein, oui, d'accord, mais voilà. Mais c'est vrai que on a le réflexe, et alors ce qui est très inquiétant, c'est qu'on les conditionne évidemment à ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire des enfants qui, une fois qu'ils auront grandi, eh ben, dès qu'ils auront un petit bobo, un petit souci de santé, comme vous dites, un petit rhume, un petit peu mal à la tête, eh ben, ils vont ouvrir leur boîte à pharmacie, ils vont ouvrir et ils vont prendre des médicaments. Alors que n'oublions pas quand même qu'on a un corps qui est apte à lutter contre énormément de maux. Ah, et donc on c'est le message du corps médical. Besoin médicaments, hein. Plus tu consommes ton antibiotique, moins il aura d'effet en plus sur les bactéries. Oui, mais un petit malade, c'est quoi ? C'est forcément, alors, je te mets à la maison et tu dors. Vous parlez des rhumes. Un rhume, c'est le cas le plus classique. C'est généralement un virus. Hein. L'antibiotique contre le virus n'a aucun effet. On ne guérit pas des virus avec des antibiotiques. Le problème, c'est que les parents mettent de plus en plus la pression sur les médecins et que les médecins ouvrent leur parapluie en disant « Moi, je ne veux pas être responsable. Si jamais quelque chose se passe », et donc prescrivent des médicaments qui sont beaucoup trop, soit trop puissants, soit qui n'ont rien à voir avec la maladie qu'on doit soigner. Ah, on peut prendre d'autres cas de figure, les anti-allergiques ou les antidouleurs, prenons les anti-allergiques. On dit aux enfants, attends, ton allergie passera quand tu seras adolescent, Nawal ? Ben, en tout cas, oui, on attend. On opte d'abord pour les solutions plus légères. Évidemment, dans le cas des rhumes de mes filles, quand il n'y a pas d'autres solutions, ben, on n'a pas le choix. Mais pour l'antidouleur, par exemple, certaines mamans donnent de l'antidouleur dès 37. Mon enfant a de la fièvre. Mais non, attendons 38,5 avant de donner de l'antidouleur et n'agissons pas tout de suite à 37, catastrophé. Bon, on va demander un avis à Liège. Béatrice est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Pour vous situer dans la conversation, vous avez des enfants, Béatrice, ou pas ? Non. Alors la question, si nos bébés et enfants consomment... J'ai des nièces, des neveux, une soeur et un beau-frère médecin. Ok, voilà pour votre profil. Donc si nos bébés et enfants consomment trop d'antibiotiques et d'antidouleurs, comme l'affirme cette enquête des mutualités libres, comment on peut soigner un petit bout de chou quand il a rhume et qu'il a mal, si c'est pas avec des médocs ? C'est quoi l'alternative ? La première chose, c'est peut-être d'aller voir le pédiatre. Mais on a bien compris que c'est eux qui prescrivaient le médicament. Oui. Ah, c'est eux qui prescrivent. Si eux prescrivent, alors, alors à ce moment-là, aux médecins eux-mêmes, à voir entre eux si oui ou non, il faut... Mais donc vous n'avez pas l'alternative. On est calé là. Mais on est calé, il y a un tas d'alternatives. C'est-à-dire que bon. Laquelle? Le petit a un rhume. On a un petit rhume. Il y a un petit rhume. Eh bien, bon, on sort. Quand il fait sec, on va faire une bonne promenade. Quand il fait sec, avec une bonne écharpe, un petit bonnet, on prend du miel, on prend. Voilà. Je retiens alors l'alternative que vous nous donnez ce matin, Béatrice, je la retiens, je la soumets directement autour de la table. Donc est-ce que ça peut être une alternative, cette balade dans un climat sec, pour aller purger un peu ce corps de petit? Est-ce que c'est crédible pour vous, j'ai François? Plus de doutes, mais rappelons aussi qu'il existe des sirops, des produits qui ne sont pas des antibiotiques, peut-être un peu mentholés ou quoi, pour dégager un peu les bronches. Qui ne servent à rien, qui sont tout aussi mauvais. Il y a la kiné respiratoire aussi, ça peut être aussi une alternative, qui permet aussi de dégager et d'apprendre à l'enfant justement à dégager, à expectorer, etc. Voilà, je pense qu'il y a une série d'alternatives, effectivement, et qu'on peut guérir des rhumes chez des petits sans recourir aux antibiotiques. Alors, résumons-nous, cette enquête des mutualités libres, dont la qualité scientifique n'est pas du tout remise en cause, bien sûr. C'est une enquête qui nous cale un peu, qui nous coince un peu, Nawal, ou qui nous remet en question sur ce qu'on fait quand les enfants sont malades, ou alors ça nous cale parce qu'il n'y a pas d'alternative. Qui mérite en tout cas réflexion et qui fait qu'on peut se dire effectivement que dans certains cas, ce n'est pas nécessaire et que oui, certains pédiatres, hélas, recommandent systématiquement par facilité des antibiotiques et que ce n'est pas toujours utile. Alors peut-être aller voir 2 ou 3 pédiatres, voilà la solution. Le coupable là-dedans, ce sont les enfants qui demandent le médicament, François, ce sont les parents qui demandent. Non, moi je pense que la chose sur laquelle il faut sans doute travailler, c'est sur la relation entre les parents et le pédiatre ou le médecin. Je crois que le médecin doit être plus pédagogue, expliquer qu'on ne va pas tout de suite donner un antibiotique, qu'on va d'abord essayer autre chose, et que si ça ne marche pas, alors on peut effectivement monter en puissance. Mais pas apporter une réponse comme ça, hyper efficace tout de suite, peut-être essayer des choses, mais être plus explicatif et plus pédagogue. Je crois que c'est dans la relation entre les parents et les médecins que ça se joue. François Renawal Ben Salem, bonne journée messieurs, dames. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Donc nos propositions ce matin, Genappe d'abord. Écolo demande aux seniors de renoncer à leur colis cadeau alimentaire donné par la commune pour le donner aux réfugiés. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer? Ensuite, Marc Goblet fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique avec un impact évidemment sur la mobilisation? Et puis si nos bébés et enfants consomment trop d'antibiotiques et antidouleurs comme l'affirme l'enquête des mutualités libres, comment on soigne le rhume et douleur alors si c'est pas avec des médocs? 070-233-466 par SMS au 3063 et vous entrez dans la conversation quand vous le souhaitez. Scarbec d'abord. Patricia, bonjour. Bonjour Benjamin. À Genappe, c'est donc l'opération détournement. Est-ce que vous conseillez aux seniors de renoncer à leur colis avec de l'alimentaire pour le donner aux réfugiés? Non, pas du tout, parce que bon, il y a beaucoup de seniors qui sont seuls, qui n'ont plus de famille, et le fait aussi d'avoir un petit cadeau de reconnaissance de la commune de leur commune, bon, ça peut les aider. Donc c'est vraiment un geste fort de la commune aux seniors. C'est un geste qui a une valeur symbolique énorme. Mais oui, tout à fait. Mais alors, le geste, il serait énorme. Un seigneur, dans ce cas de figure-là, donne son colis à quelqu'un qui vient d'une situation de guerre. La symbolique est doublement plus forte. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont plus de famille et bon, qui attendent peut-être ce petit colis. C'est l'opération détournement. Que perdrait un senior s'il donnait son colis? Parce que dans le fond, on trouve quoi? Une bouteille de Porto, un petit biscuit, une boîte de Zoan et une autre conserve. Le senior, il perd quoi dans le fond? Il perd une reconnaissance, le fait qu'il n'est pas oublié par certains. Et bon, c'est une réalité. Oui, mais la reconnaissance, il l'a. Le colis lui est destiné. Donc la reconnaissance, il l'a. C'est d'abord à lui qu'on a pensé. Mais en termes de marchandises, est-ce qu'il perd vraiment quelque chose? Il y a 2-3 trucs dans cette boîte. Non, pas spécialement. Mais alors, le réfugié, personnellement, je ne sais pas si ça va les intéresser d'avoir ce genre de choses. Patricia, l'idée est bonne ou l'idée est mauvaise? Bon, Moi, je trouve qu'on devrait, le laisser au Seigneur, quoi. Et bon, il y a d'autres alternatives pour les réfugiés qui existent déjà bien. Ah, c'est ce que dit le CPAS. Il y a des subsides d'ailleurs, il y a des aides au logement d'ailleurs. On n'a pas besoin d'une initiative en plus. C'est toute la question, dans le fond. Est-ce que parce que des budgets sont prévus ailleurs, ça veut dire qu'on doit arrêter tous les gestes de solidarité ? Patricia, vous gardez le colis cadeau des seniors. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Pour rejoindre Bruxelles, Benjamin, ça ralentit encore sur l'autoroute 411 en venant de Namur, plus 20 minutes. Vous ralentissez à partir d'Overijse, ainsi que sur l'E40 qui vient de Liège. On ajoute 12 minutes et il y a des répercussions sur l'E314 en venant de Maasmechelen jusqu'à Everlee. Et là, les automobilistes perdent 25 minutes supplémentaires avant de rejoindre l'E40. Sur le ring, là où on perd le plus de temps, eh bien, c'est en circulation extérieure entre Ittre et le carrefour Léonard, plus 29 minutes. Une demi-heure également en circulation intérieure entre Ittre et Grand Bigard. Et puis les ralentissements sont plus modérés entre Zaventem et Grand Bigard. Comptez 10 minutes supplémentaires. Dans Bruxelles, vous êtes ralenti du tunnel Léopold II au tunnel Arlois vers le midi, ainsi que dans la liaison du tunnel Stéphanie et dans le tunnel Louise vers la Basilique. Là où ça coince, c'est sur le 403 tournée Bruges à hauteur de Rosselard. Les voies de gauche et centrale sont toujours neutralisées suite à un accident. Il y a 3 km de file et c'est toujours 40 minutes supplémentaires en direction de Bruges. Et puis sur le réseau secondaire, des ralentissements qui sont engendrés par des travaux sur la Nationale 25 qui relie Nivelles à Corbeil. C'est ralenti à hauteur de Bouzeval sur environ 5 km. Ajoutez 20 minutes supplémentaires en direction de Courbet. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous irons à Ougré. Giuseppe viendra nous dire si la FGTB a perdu avec Marc Gobelin, un leader charismatique. Dans les poussières. 5 secondes, ce n'est pas assez. Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oh, c'est trop long les vacances cette année. Ouais, je trouve aussi. Vivement la rentrée pour regarder le profil de toutes les nouvelles nanas de notre classe, mater leurs photos de vacances, vérifier leur statut pour voir si elles sont célibes, en couple ou du genre compliqué, les inviter à me suivre sur Instagram pour qu'elles voient que je suis un mec cool, continuer à chatter avec toi en illimité même si on est assis côte à côte et faire des battles de Pokémon Go pendant les cours de Monsieur Dupré. Ouais, il a trop une tête de Pikachu lui. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Il me faudrait bien un nouveau smartphone, tiens. Pour la rentrée, chez Proximus, profitez d'un Huawei P9 Lite à seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions sur proximus.be. Proximus, infiniment proche. La rentrée approche et Sud-Presse vous aide à planifier cette nouvelle année. Ce mercredi 24 août, recevez votre calendrier scolaire à l'achat de votre journal. Le jeudi 25 août, des étiquettes pour cahiers. Et le vendredi 26 août, un calendrier des anniversaires. C'est gratuit avec la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Encore une exclusivité. Sud-Presse. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors tous à Mété pour le grand week-end Cap 48. Une occasion unique de pédaler sur le circuit et de découvrir le Ravel Félicien Rops vers Faustaville avant d'applaudir à l'arrivée Suarez en concert gratuit. À samedi, les amis. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Quand je surfe sur Internet, ça va. Quand on surfe à deux, ça va un peu moins. Quand toute la famille s'y met, ça ne va plus du tout. Pour surfer à toute vitesse, même à plusieurs en même temps, profitez de l'Internet ultra rapide dans un trio Wahoo ou Tatou. Pour la rentrée, vous offre un laptop Acer d'une valeur de 479 euros. Un laptop Acer. Plus d'infos dans votre boutique Voo ou au 0800 825. Il s'en passe des choses chez vous. Offre soumise à condition. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, si nos bébés et enfants consomment trop d'antibiotiques et antidouleurs, comme l'affirment les mutualités libres, comment on soigne rhume et douleur chez un enfant si c'est pas avec des médocs ? À ce propos. À ce propos pour Anne de Nivelles, l'utilisation d'antibiotiques, selon elle, c'est simplement une question de disponibilité des parents. C'est-à-dire qu'elle, elle a 4 enfants et quand ils étaient petits et qu'elle ne travaillait pas, Anne prenait le temps de les soigner via des alternatives, la médecine douce, les plantes, le miel, etc. Et puis une fois qu'elle a recommencé à travailler, Anne n'avait plus le temps de les soigner comme il fallait. Elle devait retourner au travail le plus vite possible et donc utiliser des antibiotiques afin que ses enfants soient rétablis le plus rapidement possible. C'est vous qui le dites, à Ougré maintenant. Giuseppe, bonjour. Bonjour. Margot Bleff fait donc un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique, d'après vous? Premièrement, je dois dire que M. Gobelet, pour se soigner, il a raison. Sinon, il risque d'aller plus loin encore. Ça veut dire quoi? Qu'il était temps que vous lui demandiez de partir? Le garçon est malade. Je ne connais pas sa maladie. S'il s'arrête, ça veut dire qu'il a un problème de santé. Donc, c'est un problème de santé pour continuer ce combat qui est le sien. Moi, ça, c'est normal. Vous serez malade aujourd'hui, vous ne serez pas à la radio en train de faire votre débat. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il aurait dû arrêter plus tôt? Parce qu'on comprend maintenant que ce problème de voile sur la voix cachait un mot beaucoup plus grave. Alors, je ne suis pas docteur pour le dire. Qu'il devait s'arrêter plus tôt ou plus tard, ça, je n'en sais rien, je ne suis pas le docteur, je ne suis pas son docteur. Le docteur lui a dit maintenant, monsieur, c'est terminé, vous devez vous soigner, et voilà. Donc, c'est le docteur qui a lui et son docteur qui ont pris les dispositions. D'accord, maintenant pour les travailleurs, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Écoutez, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que Monsieur Gobelet va se soigner et j'espère qu'il reviendra en bonne santé avec son combat qui est le sien. Non, il est plus en point de la défense des travailleurs, ce qui veut dire que dans les négociations, il est plus là. Mais si, il est toujours au point des négociations. Ne vous en faites pas pour ça, il sera toujours au point des négociations et il conseillera son remplaçant comme il le doit. Ne vous en faites pas pour ça et ne vous tracassez surtout pas. Donc la FGTB, comme la CSC et autres syndicats qui ont une organisation convenable, il n'y a aucun problème là-dessus, les remplaçants sont là pour le remplacer. Giuseppe, c'est ça que je vous demande, parce qu'on nous a dit que Marc Gobelet, c'était un leader, c'était un tribun, il avait des formules, il y a eu les gamins de merde, il y a eu les autres trucs. Médiatiquement, c'était un personnage, il était très très fort. Vous êtes sûr qu'à la FGTB, on pourra compenser ça? Marc Gobelet est un caractère, c'est vrai, on n'a pas tous le même caractère, il y a d'autres mots pour le dire, c'est vrai, mais les gamins de merde, c'est vrai, il l'a dit, mais on peut le dire autrement, et c'est aussi le gamin de merde, parce que l'État nous prend pour des gamins de merde, c'est tout, il nous le dit pas clairement, mais l'État, comme le Michel, comme Bardewever qui commande la Belgique, qui est lui le Premier ministre, donc... gentiment, mais avec virtualité et intellectualité, ils nous disent quand même que nous, on est des gamins de merde. Giuseppe, voilà. Maintenant sur la mobilisation, est-ce que le retrait, le pas de côté de Marc Gobelet aura un impact sur la manifestation du 29 septembre, oui ou non? Absolument pas. Il n'y aura pas un impact. Il y aura absolument, les gens seront encore plus motivés pour Marc Gobelet et on fera la manifestation dont j'irai ici. On le fera. C'était la réflexion tout à l'heure de François Nawal en disant qu'il pourrait même y avoir un phénomène de type hommage avec des mobilisations plus fortes. Vous êtes affilié CGSP, FGTB, CSC, autre côté libéral. Venez dans cette conversation. On verra si le débat s'impose tout à l'heure. Merci Giuseppe. C'est vous qui le dites à Clabec maintenant. Muriel, bonjour. Bonjour Benjamin. Et je sais que vous avez 4 petits-enfants. Donc si nos bébés et enfants consomment trop d'antibiotiques et d'antidouleurs, d'après les mutualités libres, comment on soigne le rhume du petit et les douleurs si on ne donne pas de médoc? Je vous le demande, Muriel. En fait, je voulais réagir à ce que Nawal avait dit par rapport à ses enfants. J'ai eu le même problème avec mes 2 derniers petits-enfants. Donc au départ, on leur donnait des médicaments et finalement, pour ne pas donner trop d'antibiotiques, on en est venu à mettre des grains dans leurs oreilles. Pour compenser la dose d'antibiotiques qui devenait quoi? Dangereuse ou contre-productive? Oui, voilà, pour contre-productive, parce que trop d'antibiotiques, finalement, quand ils sont malades, ils ne réagissent plus, quoi. Pour que chaque parent puisse identifier, quel était le problème exact de vos enfants à ce moment-là? Mais ma petite fille ne pouvait pas se moucher, elle n'arrivait pas à se moucher. Donc c'est exactement le même problème que pour Nawal. Pourquoi le médecin part directement vers l'antibiotique? C'est à la demande des parents, à votre demande? Non, pas du tout. C'est le médecin qui a prescrit l'antibiotique. Et c'est le médecin qui dit après, je fais marche arrière? On est allé. Enfin, ma fille est allée voir un spécialiste et c'est le spécialiste qui a proposé ce système de drain. Maintenant, j'en viens au problème plus courant et plus basique, parce que c'est au cœur de cette enquête. Le petit a un rhume. Qu'est-ce que je fais si je ne donne pas de médoc? Qu'est-ce que je fais? Écoutez, il y a les gouttes pour les oreilles et le sirop basique, quoi. Bon, après, si ça ne passe pas, là, évidemment, à mon avis, il faut aller plus loin. Le petit a visiblement des allergies. Cet éternuement qui revient et revient à chaque début de printemps, que ce soit boulot, pollen et peu importe. Qu'est-ce que je fais? J'attaque aux médicaments et je vais chez le médecin ou vous avez une alternative? Non, mon petit-fils est allergique et il a tout ce qu'il faut, les puffs pour les allergies, quoi. Il est allergique à quoi, lui? Oh, pollen, poussière, chat, enfin un peu tout. La totale, et il faut passer par le médicament. D'où la question finale sur cette étude. Est-ce qu'on est calé avec ça ou est-ce qu'on se remet en question? Merci Muriel d'avoir expliqué comment les petits ont abordé les différentes maladies. Les médecins ont fait marche arrière sur l'antibiotique, on l'a bien compris. Dans une seconde, nous allons à Coxyde, c'est là que nous attend Benito. Il conseillera les seniors de Genappe. Prenez ce colis et gardez-le ou prenez ce colis et donnez-le aux réfugiés. C'est le choix. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine équipée? Et si nous la concevions ensemble? Design fonctionnel et parfaitement équipé. Cuisson à induction, four multifonction, lave-vaisselle intégrée. Ego vous offre jusqu'à 2500 euros de remise sur l'électroménager. Conditions sur ego.be. Ego, la cuisine de ma vie. L'auto présente le mois de Wout. Chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Et ce mercredi, un tirage très, très waouh. Près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Envie d'un nouvel ordinateur, mais pas de tout installer? Achetez-le chez MediaMarkt et profitez d'un an d'assistance informatique professionnelle en magasin ou à distance pour 59 euros par an. Infos et conditions sur MediaMarkt.be. MediaMarkt, je ne suis pas fou. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit? Vivacité présente Stella et Machiavel dans le cadre du Yesterdayland Festival du 2 au 4 septembre à EY. Avec aussi Disco Party Show, Oli Socket, Daddy K, Queen Kings, 98% Maximum Soul, Thierry Luthers et un Kids Festival avec Anna ou encore les Fancy Fair. Info et tickets yesterdayland.be. Une nouvelle ère, une nouvelle Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia. La nouvelle Alfa Romeo Giulia, c'est aux établissements Constant Liège. Constant Liège et Constant Warem, la passion du service. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, Marc Goblet fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique avec un impact sur la mobilisation à ce propos? Et à ce propos, pour Raoul de Jemeb sur Sambre, non, la FGTB ne perd pas un leader. Marc Goblet a sali la réputation de la FGTB et des syndicats en général avec ses déclarations choc et son manque de respect envers les travailleurs. Alors, Raoul estime que Marc Goblet a contribué à l'impopularité des grèves. Il a aussi essoufflé le mouvement de protestation. Alors, pour Raoul de Jemeb sur Sambre, ce retrait, il devrait même être définitif. C'est la meilleure solution, la meilleure décision, pardon, que Marc Goblet a pris de toute sa carrière. C'est vous qui le dites, Coxyde. Benito, bonjour. Bonjour, Benjamin. Et donc à Genappe, dans le Brabant Wallon, Écolo demande aux seniors qui reçoivent chaque année un colis cadeau avec des produits qui viennent de la grande distribution, biscuits, conserves, etc. Écolo leur demande de donner ce colis, enfin de le prendre et d'aller le donner aux réfugiés. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer au colis? Mais écoutez, avant tout, c'est un colis pour les seniors, n'est-ce pas? C'est des gens qui sont dans le besoin, j'en suis sûr et certain. Et maintenant, en plus de ça, vous donnez un colis avec des poteaux et du peur aux musulmans. Benito, premier élément, c'est un colis qui est donné à tous les seniors. Donc, ce n'est pas lié à leurs besoins, à leurs revenus, à leur état de santé. C'est pour tous les seniors. C'est-à-dire que tout le monde reçoit ce colis. C'est un cadeau pour tout le monde. Mais ce colis, ils en ont strictement besoin. Je connais énormément du monde qui sont très contents de recevoir ça. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi c'est le CDH qui propose ça. Mais pourquoi? C'est Écolo qui propose ça. Eux-mêmes, ils ne font pas eux-mêmes ce cadeau à ces gens. Benito, si ça fait extrêmement plaisir à quelqu'un de 65 ans, ça peut faire extrêmement plaisir à un réfugié qui est loin de ses terres. Oui, mais écoutez, monsieur, les réfugiés, je ne suis pas contre le monde musulman. Je respecte tout le monde. Mais seulement, il y a une chose qu'il faut se dire. Ces gens, ils reçoivent déjà tellement gratuitement de nos poches. n'est-ce pas? Alors, je ne comprends pas pourquoi on veut encore... Mais est-ce que la comparaison, Benito, tient la route? Parce que les seniors dans notre système reçoivent une retraite, reçoivent des réductions sur les transports en commun, reçoivent des réductions de soins de santé par-ci, par-là. Les seniors ne sont pas dénués d'aide d'État. Mais vous savez qu'il y a des seniors qui sont en fonction avec 650 euros par mois. Avec 350 euros par mois, qui n'ont pas eu la facilité d'y travailler. Ils sont des gens qui ont besoin de ces colis. Je vous donne le contenu. Est-ce qu'un senior s'ampute vraiment d'un bras quand il renonce à un tuc, un porto et une boîte de soupe? Mais non, mais ce n'est pas ça. La question n'est pas là. Pourquoi le CDH ne donne pas à eux la même chose qu'aux seniors fin d'année? Précision, Benito, c'est donc bien une proposition d'écolo, hein, pas CDH. C'est bien une proposition écolo. Et qui est contre à Genappe? C'est le CPS qui, de mémoire, est sous couleur MR. Benito, les seniors doivent garder le cadeau. C'est ce que vous avez dit et c'est le conseil que vous donnez aux seniors de Genappe. Allons maintenant à Stavelo. Brigitte en ligne, bonjour. Bonjour monsieur. Marc Goblet fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que c'est une grosse pierre dans la chaussure de la FGTB? Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique? Il ne le perd pas, il s'absente momentanément pour se soigner. Oui, mais il ne sera pas là à la manif du 29 septembre et à la grève générale du 7 octobre. Il ne sera pas là. Il ne sera pas là, mais il sera bien remplacé par tous les gens compétents de la FGTB. Il n'avait pas une force particulière dans l'utilisation des médias, des interviews, de l'espace médiatique? Il n'avait pas ce truc en plus, Marc Goblet? Ben si, il avait ça en plus, mais les autres se débrouillent bien aussi. C'était quoi alors les qualités de Marc Goblet pour vous, avec vos mots? Ah ben c'est... Je suis plein d'admiration pour lui depuis des années. Un très beau leader, un beau père de famille. Il gère les gens et les participants du syndicat comme père de famille. Mais, il y a un petit mais. Il joue à longue échéance pour le bien-être des travailleurs. Et si c'était une opportunité? Et si c'était une opportunité, Brigitte? Parce qu'il a été très loin avec la phrase « gamin de merde » qui a fait beaucoup de polémiques. Il y a eu cette erreur avec les étudiants qui étaient tous capables de trouver un moyen de se déplacer. Il était vu comme un type, je cite, « primaire » par Bart de Wever. Et si finalement c'était une bonne chose pour la FGTB de se débarrasser de celui qui incarnait autant de polémiques? Non, c'est une erreur. Il a peut-être fait 2-3 petites erreurs parce que... Il s'est emporté peut-être un peu, mais ça, qu'est-ce que c'est ça par rapport à la personne qu'il représente? Il aurait dû s'arrêter plus tôt ou pas? Non, pas du tout. Il doit continuer. Il doit défendre le bien-être des ouvriers parce que les ouvriers, il est dans le mot des ouvriers. Il sait comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on est traité, vers quoi est-ce qu'on va. Mais son bien-être, il était en difficulté. On a bien compris qu'il était malade depuis longtemps. Est-ce qu'il est devenu martyr? Non, non, pas martyr. Il doit se soigner. Malade, tout le monde, il a une 50 ou 60 ans, il doit se soigner parce que tout le monde tombe malade à un moment donné. Officiellement, donc, il reviendra, mais sans garantie de date de retour, et remplacé à la manœuvre par François Tamellini, qui est le secrétaire fédéral, Thierry Baudson, leader de la FGTB Wallonne, et Philippe Van Meulder de la FGTB Bruxelles. Voilà le trio qui va prendre le job. Il vous manque, Brigitte, je l'ai noté. Bouillon maintenant. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Vous qui avez 5 enfants, si nos bébés et enfants consomment trop d'antibiotiques et antidouleurs, comme le dit l'enquête des mutualités libres, c'est très concret. Quand le petit a un rhume, si on ne donne pas de médoc, qu'est-ce qu'on fait, Alain? Mais on fait autre chose. Oui, mais quoi? Il y a des manières très très simples d'améliorer la qualité de santé des enfants en augmentant par exemple la consommation de vitamine C, pas n'importe laquelle, une vitamine C liposomale, qui va arriver à 98% dans les cellules et qui ne sera pas détruite à 80% dans l'estomac comme les comprimés normaux. D'où vous vient votre savoir médical? J'ai 40 ans de recherche systématique, 2 heures tous les matins sur Internet, etc. Beaucoup de lectures, des formations officielles en santé, en approche médicale. Mais vous savez que ça peut être dangereux. Si vous me dites que l'alternative à l'antibiotique, c'est de dire aux parents, allez chercher sur Internet, Wikipédia, l'alternative pour les enfants, vous savez que c'est risqué, l'automédication. Je ne propose pas d'aller chercher, de faire ce que moi j'ai fait. Moi je l'ai fait parce que j'avais des bagages au départ sur le plan médical, tout le monde ne l'a pas. Mais il y a des connaissances très très simples. Bon, Linus Pauling par exemple, C'est un prix Nobel. Il a expliqué ça dans les années 56, si ma mémoire est bonne, que la vitamine C peut guérir 95% des maladies en prenant une quantité suffisante. Ça a toujours été caché parce que en faisant ça, ben, on n'a plus besoin. Moi, mon pharmacien m'a dit, vous prenez 4 grammes par jour. Il me dit, c'est beaucoup. Je demande si c'est beaucoup. Il me dit, oui, c'est beaucoup, mais je demande si c'est trop. Il dit non. Vos enfants, ils vont chez le docteur ? Ils vont chez le généraliste parfois, vos enfants ? Très rarement. Très rarement, ce qui prouve qu'il y a moyen de s'en passer. Je vous confesse, Alain, ne pas avoir la connaissance médicale pour valider ou infirmer les propositions que vous nous faites, mais elles sont enregistrées. Si cette conversation s'impose, on ira plus loin dans la deuxième partie. Vous avez du talent et recherchez un métier motivant ? 80% de nos diplômés décrochent un job ou créent une entreprise dès la fin de leur formation. Pourquoi pas vous ? Le centre IFAPME Liège-Ouïwarem propose des formations dans plus de 100 professions, notamment en alternance. Toutes les informations sur centre-lhw.ifapme.be ou au 04 229 84 00 à Liège et 085 27 13 40 à Villers-le-Bouillet. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Merci et bravo à tous les athlètes et médaillés du Team Belgium. Vous nous avez fait rêver sur la 2, Vivacité et RTB Fovio. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Et vous êtes sur Viva, il est 10h. C'est le Point Info, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le télétravail a le vent en poupe. Vous êtes de plus en plus nombreux à travailler à domicile, plus 21% en 5 ans. Selon les chiffres du SPF Économie, l'augmentation est la plus importante en région bruxelloise avec 31% de hausse. Elle est suivie de la Flandre avec une augmentation de 25% et de seulement 8% en Wallonie. Le télétravail est plus souvent pratiqué dans le secteur public que dans le secteur privé. Les bébés consomment trop de médicaments. Surtout des antibiotiques. Un nourrisson sur deux en consomme 3 boîtes par an en moyenne. Une consommation qui n'est pas sans risque puisque si on consomme trop d'antibiotiques, les bactéries deviennent plus résistantes et les antibiotiques inefficaces. Le fils de l'imam de Dizon a été placé en IPPJ pour une durée de 3 mois. Le jeune homme de 17 ans apparaissait dans une vidéo tournée au centre de Verviers où il menaçait des chrétiens. L'adolescent a rejoint l'institution de Braine-le-Château en régime éducatif fermé. Retour à la maison pour nos athlètes olympiques. Ils atterriront ce soir à 19h25 sur le tarmac de Zaventem. Ils seront accueillis par leurs proches et les responsables du COIB, le Comité Olympique et Interfédéral Belge. Mais pour des questions de sécurité, les athlètes seront ensuite emmenés directement vers une sortie interdite au public. Inutile donc de vous rendre à l'aéroport ce soir. Cette impressionnante et odorante découverte à présent, celle d'un producteur australien, il a déterré une truffe noire géante d'1,5 kg. C'est l'une des plus grosses truffes jamais découvertes. Il a fallu au producteur 45 minutes pour sortir de terre le champignon géant. Le trufficulteur a décidé de ne pas vendre cette truffe géante, mais de la conserver en un morceau dans de l'alcool, histoire peut-être d'épater la galerie. Côté météo, c'est très simple, du soleil et encore du soleil. Pour le plaisir, je vous donne les températures. Températures comprises aujourd'hui entre 24 et 29 degrés. On voit tout de suite comment ça roule avec Stéphane Piedbeuf. Les ralentissements pour rejoindre Bruxelles sur le 411 en venant de Namur à partir d'Overhey, s'ajoutons 20 minutes, 15 minutes supplémentaires sur le 40 qui vient de Gand, vous êtes ralenti depuis Ternat. Un véhicule est en panne sur le 40 Liège-Bruxelles à hauteur d'Everlay, la bande de gauche est neutralisée, il y a des files, 10 minutes supplémentaires en direction de la capitale. Un accident sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure à hauteur de Bercel. Deux voies de circulation sont neutralisées en direction de Grand Bigard. Le point sur les temps de parcours sur ce ring pour la circulation extérieure en entre Ittre et le carrefour Léonard, plus 20 minutes, un quart d'heure supplémentaire entre Zaventem et Grand Bigard, et c'est 25 minutes qu'il faut ajouter en circulation intérieure entre Haut-Ittre et Grand Bigard. Dans Bruxelles, du tunnel Léopold II au tunnel Arlois vers le midi, la circulation est compliquée, également dans la liaison du tunnel Stéphanie et dans le tunnel Louise vers la Basilique, et puis toujours cet accident sur le 403 tournée Bruges à hauteur de Roulers. Les voies de gauche et centrales sont neutralisées, 3 km de file, et maintenant c'est 20 minutes supplémentaires en direction de Bruges. Enfin, toujours des ralentissements engendrés sur le réseau secondaire par des travaux sur la Nationale 25 entre Nivelles et Corbeil à hauteur de Bouzeval. Il y a des files sur quelques kilomètres, ajoutez au moins un quart d'heure à votre temps de parcours en direction de Corbeil. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, c'est la deuxième partie de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Merci Nathalie Servais. C'est vous qui le dites en direct sur la Une Télé, sur Viva, sur vivacité.be, presque partout dans le fond. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Le fils de l'imam de Dizon à l'ami, ce fils qui voulait, dans une vidéo tournée en plein Verviers, tuer des chrétiens, c'était il y a 15 jours, la vidéo a fait fameusement polémique. Eh bien, le fils de l'imam de Dizon qui a été identifié vient d'être envoyé en IPPJ pendant 3 mois, décision qui est donc tombée hier, il a été arrêté, d'où la question qui dérange ce matin. Qu'est-ce qu'il y fera qui pourra ou pourrait recadrer son propos et sa philosophie? Même s'il y a une petite parenthèse, c'est que le fils de l'imam prétend non pas qu'il voulait tuer des chrétiens, mais qu'il s'en prenait au régime du président syrien Bachar el-Assad. Il aurait utilisé des mots dont la consonance était très ressemblante. Il ne visait pas les chrétiens, il visait une autre catégorie d'eux. Toujours est-il qu'il est en IPPJ pour 3 mois. Qu'est-ce qu'on pourra y faire qui changera son mode de pensée, qui restructurera son mode de pensée? C'est la question qui dérange. Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, j'ai plusieurs pistes. Je vais déjà commencer par passer des coups de fil auprès des IPPJ du pays. Et puis je tenterai également de joindre l'avocat du fils de l'imam de Dizon. Si vous avez une connaissance des IPPJ, si vous êtes proche de ces milieux-là, si vous avez un avis sur la déradicalisation, surtout des jeunes, vous pouvez nous amener à un éclairage. C'est via Marion Standard. Et le problème pour Damien de Theux, eh bien, c'est la justice belge qui est beaucoup trop lente. Ce n'est pas normal tout ce temps pour expulser le père. Et ce n'est pas normal non plus que le fils ait été relâché dimanche pour la simple raison qu'il ne fallait pas réveiller le juge de la jeunesse en pleine nuit. Damien en a ras-le-bol de cette justice qui n'avance pas et il pose cette question. Combien de victimes faudra-t-il encore avant que la justice ne fasse enfin son travail? Donc les faits maintenant, le fils de l'imam de Dizon qui voulait, dit-il ou dit-on, tuer des chrétiens dans une vidéo tournée en plein Verviers il y a 15 jours est envoyé en IPPJ pendant 3 mois. C'est une décision prise hier. Question qui dérange, qu'est-ce qu'il y fera qui pourra ou pourrait recadrer son propos et sa philosophie? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. D'abord à Genappe, écolos qui demandent aux seniors de renoncer à leur colis cadeau alimentaire donné par la commune pour le donner aux réfugiés. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer? Ensuite, Marc Goblet qui fait un pas de côté pour se soigner. Est-ce que la FGTB perd un leader charismatique avec un impact sur la mobilisation? Et puis si nos bébés et enfants consomment trop d'antibiotiques et antidouleurs, comme l'affirme l'étude des mutualités libres, eh bien comment on soigne un rhume et des douleurs chez bébé si c'est sans médoc? 3 débats, Marion, au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur les seniors de Genappe. Ils reçoivent chaque année un colis cadeau alimentaire. Cette année, Écolo veut qu'ils détournent ce colis en faveur des réfugiés. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer à ce colis cadeau? C'est la question que l'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Nous sommes dans Brabant Wallon. À Genappe, 2200 seniors environ ont droit chaque année à un colis cadeau qui est composé de boîtes de conserve, de biscuits, de chocolat, de porto, même cette année. Bref, ce sont des petits plaisirs qui sont issus de la grande distribution. Une large partie des seniors prend ce colis, d'autres n'en font pas la demande. Et bien voici l'idée qui bouscule un peu Genappe. Écolo voudrait, dans une grande opération qui s'appelle détournement, demander aux seniors de prendre le colis, mais d'aller le déposer dans les dépôts adéquats pour que ce colis soit reformaté et donné aux réfugiés au moment de Noël. Le senior renoncerait à son colis. Colère du CPS qui coince parce que le CPS d'abord envisageait de redistribuer les restes à des seniors de plus de 65 ans dans le besoin, et puis aussi et peut-être même surtout parce que les réfugiés de la commune bénéficient déjà d'autres subsides, d'autres budgets, d'autres mesures. D'où le besoin de conseiller maintenant les seniors de Genappe. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Oui, mais écoutez, monsieur, les réfugiés, je ne suis pas contre le monsieur. Je respecte tout le monde, mais seulement il y a une chose qu'il faut se dire. Ces gens, ils reçoivent déjà tellement, gratuitement, de nos poches. n'est-ce pas? Alors, je ne comprends pas pourquoi on veut encore. Mais vous savez qu'il y a des seigneurs qui sont en pension avec 650 euros par mois. Avec 350 euros par mois, qui n'ont pas eu de facilité d'y travailler. Ils sont des gens qui ont besoin de ces colis. Donc vous savez qu'il y a une conversation dans la conversation sur le réel besoin des seniors, c'est un colis cadeau. Il y a une autre conversation sur l'argumentaire, est-ce qu'on peut vraiment dire parce que les réfugiés ont ça, alors ils n'ont plus besoin d'un petit extra? Et la question principale pour vous ce matin, est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer à leur colis? 070 233 466, par SMS au 3063. Et dans un instant, c'est depuis Lezan-Hainaut que Bertrand viendra conseiller les plus de 65 du Brabant Wallon. C'est vous qui le dites. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non? C'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner. Pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC. Décidez d'avancer. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. Spirelli Automobile. Découvrez prochainement votre nouveau Ford Store à Verviers. Pendant les travaux, nous restons ouverts et vous bénéficiez des meilleures conditions sur tous les véhicules de stock. Spirelli Automobile. Le meilleur service au meilleur prix. À Liège, 3 Ponts et Verviers. Bien sûr, il buzz. Il buzz même. Très bien. C'est vrai que c'est un choc. Il buzz comme un dieu même. C'est pas possible, c'est une rumeur. Mais il n'y a pas que ça. Humour, info, invité, musique, météo, infoservice, billets d'humeur. À défaut d'avancer plus vite, ça vole plutôt bas. Allez, avouez-le, le 5 à 7 de Vivacité, entre Cyril et vous, c'est bien plus qu'une simple histoire d'actu. Bonjour, c'est Michel Vincent de Liège Aller-Retour. C'est la rentrée radio. Et je vous retrouve avec plaisir et un maximum de bons plans chaque après-midi dès 15h sur Vivacité. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec Vivacité. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Bienvenue à vous, si vous arrivez dans la deuxième partie de C'est vous qui le dites, ce sont les appels de la première heure qui ont déterminé notre conversation. À Genappe, écolo, Genappe commune du Brabant Wallon, demande donc aux seniors de renoncer à leur colis cadeau alimentaire pour le donner aux réfugiés. Ce colis, c'est donc un colis que reçoivent les seniors, c'est un cadeau en quelque sorte, ce n'est pas une aide alimentaire pour ceux et celles qui sont dans la précarité, non, c'est un cadeau offert à tous les seniors de la commune, certains le prennent, d'autres pas. L'idée d'écolo dans la grande opération détournement, c'est que les seniors prennent ce colis et aille l'amener dans un des dépôts adéquats pour que le colis à terme soit déballé, reconditionné et donné aux réfugiés au moment des fêtes de fin d'année. Un cadeau qui devient donc un cadeau. On sait qu'à Genappe, le CPS est plutôt hostile à la mesure parce que la marchandise, eh bien, le CPS aurait préféré l'utiliser pour les seniors de la commune en difficulté. Se dit aussi que les réfugiés bénéficient d'autres aides et que ce petit plus n'est pas nécessaire. C'est à vous de conseiller maintenant dans ce dilemme les habitants de Genappe et les seniors. Surtout, est-ce que vous leur conseillez de renoncer à ce colis pour le donner ou est-ce que vous leur conseillez de prendre le colis? C'est un cadeau, c'est un dû. 070-233-466 et par SMS au 3063, on les lit tous. Ils s'affichent également sur votre écran si vous nous regardez sur la une télé. Lezan-Hainaut, Bertrand, quel âge avez-vous? 50 ans. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de garder le colis ou de le donner? Ah ben de le garder. Mais pourquoi? Ben ils y ont droit. Pourquoi pas? Ils y ont droit. C'est pas une aide d'urgence. C'est pas une aide de type CPS. C'est un petit cadeau. Non, parfois, je pense que pour certaines vieilles gens, comme on dit par ici, ça fait quand même du bien de parfois une fois par an de recevoir un petit cadeau. Alors on peut appliquer exactement le même raisonnement à des réfugiés qui ont peut-être 50 ans. Une fois par an, un petit cadeau dans une situation de précarité complète. Ce n'est pas une fois par an, pour eux, c'est une fois par mois. Non, mais il faut distinguer ce, qui est ce cadeau ponctuel de l'aide régulière. Hein. Ici, on parle bien d'un cadeau. Bah oui, ah bah ils ont un cadeau par mois. Ils ont droit au CPS alors que moi, pas. Mais alors, je vous dis dans ce comparatif ce qu'il en est. Depuis 2 ans. Le senior, il a droit à une retraite. Oui. De combien? Parfois très très peu. De quoi on parle, Bertrand? Une petite boîte de Zouane, un tuc et un porto. Un senior ne peut pas se priver de ça? Ben, pourquoi devrait-il s'en priver? Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un réfugié ne sait pas le faire alors? Donc vous seriez habitant de Genappe avec 15 ans de plus, vous le gardez? Enfin, bien sûr. Mais alors expliquez-moi pourquoi des gens, et Colin en l'occurrence, ont eu cette idée alors. Ça vous semble tellement saugrenu. Pourquoi des gens ont eu l'idée? Bah parce que, à mon avis, c'est qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Il faut bien qu'ils disent une connerie une fois de temps en temps. Bertrand, j'essaie de comprendre le fonctionnement. Si vous me dites qu'un senior belge en difficulté ou pas a droit à un petit cadeau, donc réexpliquez-moi pourquoi un réfugié n'a pas besoin, lui, d'un petit cadeau. Ils ont des cadeaux. Non, ce ne sont pas des cadeaux qu'ils ont, ce sont des aides. Ce sont des aides. Alors pourquoi est-ce que moi, qui ne suis pas encore senior, je n'y ai pas droit? Mais vous voulez quoi? Elle est où l'égalité d'essence? Où est-elle? C'est pour bien comprendre votre raisonnement, Bertrand, vous ne voulez pas d'être tatillon, mais un senior en Belgique a droit à une retraite. Oui. Voilà. Oui. Ah ben, mais pourquoi a-t-il droit à la retraite? Il a cotisé quasiment toute une vie pour avoir ce droit-là. Donc, un senior belge ne peut pas se passer d'un paquet de tucs? Si un senior belge il sait le faire, un réfugié sait aussi le faire. Ah bah alors on est au bout du raisonnement. Mais j'entends votre conseil, d'où l'intérêt de préciser évidemment vos âges dans la conversation en arrivant ce matin. Bertrand, vous avez 50 ans, la conversation vise les seniors de 65 et la vie des jeunes aussi sera intéressant dans ce dossier. Mélanie Joris, je viens vers vous, que les choses soient très claires dans nos esprits directement, c'est l'éclairage. Dans ce fameux colis dont on parle, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, la composition de ce colis varie d'année en année. Pour cette édition, celui-ci contient à nouveau une bouteille de Porto. Cette bouteille avait été supprimée l'année passée, mais suite à certaines réclamations, elle a été remise dans le colis. On peut également y trouver des biscuits et des bonbons, mais principalement des denrées non périssables qui viennent de la grande distribution. On peut par exemple trouver une brique de soupe, un paquet de café, du sucre en morceaux, mais aussi de la confiture, du chocolat Côte d'Or, des biscuits de Bastogne ou encore des pâtes, des raviolis et des fruits en conserve. Est-ce qu'il faut faire une démarche particulière pour obtenir le fameux colis? Alors, j'ai eu plusieurs versions. La dernière version en date, les seniors reçoivent un document de la commune et doivent remplir un petit talon. Ce talon a dû être envoyé à la commune vers la mi-avril. L'opération, elle existe depuis des années et les colis sont distribués, peu importe la situation ou le revenu du ménage, par des ouvriers communaux. C'est la ville donc qui organise ce service pour les seniors, un service parmi d'autres comme l'organisation de voyages ou d'un banquet annuel. Alors on l'a dit, visiblement ça ne fait pas l'unanimité, donc proposition d'écolo. Que dit le CPS? Eh bien, pour Vincent Girboux, le président émère du CPS, il aurait été plus intelligent de ramener ce colis auprès du CPS ou bien de proposer de faire des dons à la Croix-Rouge. Il estime également que cette initiative, c'est répondre à une demande qui n'existe pas. Des aides, notamment au logement et en termes alimentaires, eh bien, ces aides, elles sont déjà en place et elles sont déjà destinées aux réfugiés. Bon, chacun avec son positionnement. Venez maintenant que les éléments sont clairs. Commenter. Nous allons à Chastre. Anne, bonjour. Chastre, Brabant, Wallon. Est-ce que Anne nous entend, elle dont le papa visiblement habite à Genappe et donc concernée par le colis? Anne, est-ce que vous nous entendez? Oui, absolument. Bonjour. Bienvenue. Benjamin. Votre papa a 95 ans. Il reçoit donc ce colis. Il l'a déjà reçu. Ah oui, il le reçoit chaque année. Oui, tout à fait. Ça fait quel effet sur lui quand il a le colis? Eh bien, moi, personnellement, je trouve que les personnes qui le reçoivent se sentent exister aux yeux des autorités communales en recevant ce colis. Attendez, ça c'est votre vision ou c'est votre papa qui vous dit « je me sens exister quand je reçois le colis » ? Ah, c'est ce que je vois, en tout cas. Vous vous souvenez de ce qu'il y a eu les années précédentes dans ce colis ? Qu'est-ce qui a particulièrement touché votre père ? Mais en fait, ce sont des petites choses. Ce sont donc exactement les aliments que vous avez cités, que l'on peut y trouver. Et mais ce sont des petites choses qui font plaisir. Il boit le Porto, votre papa? Il boit un petit verre de Porto? Oui, absolument. Il utilise les briques de soupe ou il les donne à quelqu'un? Oui, non, il les utilise. Et je dirais que ce qu'il n'utilise pas, ben, il le donne à d'autres personnes qui ont aussi reçu un colis. Et comme ça, voilà, il y a des échanges. Alors maintenant, je vous demande de conseiller votre papa. Cette année, il a une opportunité. Il pourra dire, je renonce à mon colis, je vais le donner à des réfugiés, à des gens qui viennent de situations impossibles à raconter, à saisir, qui ont dû quitter femmes, enfants et terrain. Est-ce que vous conseillez à votre papa de renoncer à son colis pour le donner à des réfugiés? Écoutez, moi je trouve qu'il est difficile de se prononcer de façon aussi nette. C'est ça le choix. Comment? C'est ça le choix. Vous le gardez ou vous le donnez. Il n'y a pas d'autre alternative. Je trouve que ça peut constituer un généreux cadeau. Puisque ce ne sont pas des denrées qui sont absolument indispensables à ces personnes, mais elles permettent quand même à certaines qui ont moins de revenus de pouvoir bénéficier d'un petit extra de temps en temps. Donc je pense que ces personnes doivent le garder, et comme disait Nawal, la chroniqueuse, tout à l'heure, on pourrait constituer un autre colis pour les personnes, pour les réfugiés. Est-ce que cet argument, Anne, tient la route? Parce que vous me dites que ça permet à certains qui ont moins de revenus d'avoir un petit appoint. Sauf que ce colis, il vient une fois par an. Ce n'est pas une aide qui revient tous les trois mois ou tous les mois. C'est une fois par an. Je ne parle pas en termes d'aide. Je parle en termes de petits plaisirs. Donc oui, une personne qui a vraiment très très peu de revenus peut être très heureuse de tartiner son pain du pâté qui est dans le colis une fois par an, oui. Ou de boire un petit apéritif de temps en temps grâce à ce colis. Anne, votre papa, si on lui posait la question, il dirait instinctivement, il dirait je le garde ou je renonce? Je crois qu'il dirait qu'il le garde. Il le garde. Dernière chose, vous m'avez dit au départ, ces seniors dont mon papa, quand ils ont le cadeau, ils se sentent exister. Est-ce qu'on peut appliquer la même lecture aux réfugiés? Le réfugié qui aura le cadeau venant d'un senior qui a renoncé, il se sentira exister. Ça colle? Oui, absolument. Ce que vous dites est tout à fait logique. Moi, je vous pose la question. Vous pouvez me dire que mon raisonnement ne tient pas la route. Moi, je vous soumets le raisonnement. Vous me dites si ça tient la route. Oui, tout à fait. Je pense que votre raisonnement tient la route et qu'un réfugié peut être très heureux de recevoir un cadeau d'une autre personne, que ça peut lui permettre de se sentir exister dans un pays où il se sent étranger. Mais priver les personnes âgées qui sont parfois très seules, c'est quand même assez délicat. C'est indélicat. Votre papa le gardera. Votre papa le gardera. On ne lui a pas posé la question de vive voix, mais vous le connaissez mieux que nous. Et il a 95 ans. Merci Anne. Nous allons maintenant dans le Hainaut, à Carnion. Karim, bonjour. Bonjour. Quel est votre âge? Voilà, 49 ans. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de garder le colis ou de le donner à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne verront jamais? Moi, je dis que c'est un cadeau de Noël, ils le gardent. Pourquoi ça a l'air si évident? Pour moi, ça a l'air évident parce que c'est une fête qu'on ne fête pas chez nous. Je vais dire au Maroc, en Algérie, dans tous les pays, on ne la fête pas. Ce cadeau-là, ils y ont droit. C'est comme si chez nous, maintenant, on disait, bon, écoutez, la fête de l'Aïd, elle arrive. Vous pouvez pas donner votre cadeau que vous allez recevoir à l'Aïd. Oh, mais c'est une stratégie. Vous mettez ça sur le compte du calendrier chrétien. Mais la base de la commune, c'est de faire un geste au Seigneur hors calendrier chrétien. Vous appliquez une stratégie, là. C'est pas un cadeau d'accord, catholique. Bon, alors, c'est un cadeau de la commune. Qu'on le passe autrement. C'est quoi autrement? Qu'on le passe autrement. Je ne sais pas. C'est pour le CPAS. Et le CPAS, on a plus besoin que les réfugiés, excusez-moi, hein. Karim, puisqu'on est dans la logique d'un cadeau et qui n'a rien à voir avec le calendrier religieux, les seniors ont un cadeau, reçoivent un cadeau. Pourquoi de ce cadeau, ils ne pourraient pas eux-mêmes faire un cadeau? Mais non, je ne sais pas. Il y a d'autres alternatives pour ne pas spécialement utiliser le cadeau que ces personnes âgées reçoivent une fois par an. Et bien, elles sont heureuses. La dame qu'on vient d'avoir maintenant, son papa de 95 ans, qui le reçoit et qui dit non, moi je le garde. Ben écoutez, c'est parce que ça lui fait hyper plaisir. Priver un senior de sucre en morceaux et de biscuits de Bastogne, c'est une torture à senior? Oui. Pardon? C'est de la torture à seniors, ça, de les priver de biscuits de Bastogne et de sucre en morceaux. Mais non, c'est pas le contenu qui est important, c'est le geste. On leur offre un cadeau, qu'on leur laisse ce cadeau, s'il vous plaît. Donc vous, moi, le cadeau, ça. Vous le gardez. Pardon ? Vous, le cadeau, vous le gardez. Ben, le cadeau, moi, je le garderai, bien sûr. Ok, c'est un bien sûr, c'est ce que vous conseillez au senior. 49 ans, Karim, c'est un cadeau de Noël, m'avez-vous dit en début de conversation. On essaie de joindre Écolo, qui est à la base de l'initiative, et on verra si c'est teinté de calendrier chrétien, si c'est comme ça que la commune le conçoit. Dans un instant, nous allons à Anse. C'est Didier qui, depuis la région liégeoise, viendra nous dire si on garde les saucisses Zouane ou si on les donne. Vous appréciez le talent ? Écoutez-le sur Vivacité. L'exposition Homo Migratus. L'homme migre depuis la nuit des temps. Homo Migratus fait le point sur ce phénomène millénaire pour mieux comprendre la migration humaine et le brassage des cultures. Une exposition pour tous au musée de la Vie Wallonne à Liège. Entrée gratuite. Info viewallonne.be. Une initiative du service culture de la province de Liège. Avec le journal Le Soir et Vivacité. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois ? De 23h à minuit ? On croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey ? Vivacité vous accompagne 24 heures sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit ? Apprendre un métier, c'est le défi que vous proposent les écoles de promotion sociale FPS. Grâce à nos formations qualifiantes, vous pourrez travailler dans des domaines qui vous correspondent vraiment. Les écoles FPS vous proposent également une formation générale pour obtenir vos certificats primaires et secondaires. Inscription pour nos cours à Liège, Verviers, Warem et Anu dès le 25 août. Écolefps.be. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Et au 070-233-466, Marion, toute une conversation sur le contenu de ce colis qui visiblement ne serait pas adapté aux besoins des réfugiés. Oui, eh bien, effectivement, parmi les raisons pour lesquelles les seniors ne doivent pas donner leur colis, eh bien, c'est, il y a celle-ci qui revient souvent. Ce colis n'est pas adapté pour les réfugiés. C'est l'avis notamment de Gabriel Doprebet. Il explique qu'on voit clairement que le colis est fait pour célébrer quelque chose. Une bouteille d'alcool, un paquet de biscuits, de chocolat. Ce sont souvent des choses que les personnes âgées ne savent pas acheter pour accueillir leur famille, leurs amis. Alors ce colis, c'est fait pour qu'ils puissent passer un bon temps avec leurs proches. Sandra de Fauvillers, elle explique que les réfugiés ont besoin de denrées non périssables, de fruits et de légumes, mais ce n'est pas 1000 paquets de tuques qui vont les nourrir. C'est une fausse bonne idée, explique Sandra, de vouloir nourrir des réfugiés avec ce type de nourriture. Alors en plus, elle est d'autant plus choquée que ça vient du parti qui s'appelle Écolo et qui donc devrait promouvoir les légumes du terroir. Donc Sylvain de Limelette n'est lui non plus pas d'accord. Il rappelle que parmi les réfugiés, il y a beaucoup de personnes de confession musulmane qui ne boiront donc ni d'alcool et ne mangeront pas non plus de saucisson au porc. 070-233-466, la région liégeoise maintenant. Anse, Denis, bonjour. Oui, bonjour. Dans 20 ans, vous aurez 65 ans, alors il va falloir se projeter un peu. Est-ce que vous conseillez au seigneur de Genappe de donner le colis à quelqu'un qui vient peut-être de Syrie, qui a connu la guerre, qui a dû laisser bagages, femmes et enfants derrière et qui se retrouve à Genappe ? Est-ce que vous conseillez au seigneur de Genappe de lâcher le cadeau ? Donc voilà, pour être clair, mes parents étaient originaires de Genappe. Donc mes parents ont eu ce cadeau. Et moi, je peux vous dire que même si dans le cadeau qu'ils recevaient, tout ne leur convenait pas, il fallait voir le plaisir qu'ils avaient à offrir à leurs enfants ou petits-enfants les petits cadeaux. Il faut savoir que pour des personnes âgées, c'est des fois très épanouissant de pouvoir faire un petit cadeau à leurs petits-enfants lorsque vous venez chez eux. Et donc, voilà. vous pouvez me raconter la joie qu'avaient vos parents à offrir la boîte de soupe à leurs petits-enfants ? Je ne parle pas de la boîte de soupe, je peux parler des biscuits, je peux parler des chocolats. La boîte de soupe, par exemple, ils pouvaient très bien, si ça ne leur plaisait pas, l'offrir à des voisins belges qui sont eux aussi des fois dans le besoin. Mais dans le fond, dans et cette donc, boîte, vos parents, ils utilisaient quoi alors ? Bah, ils pouvaient boire la bouteille de Porto, la bouteille d'alcool, peu importe ce qu'ils consommaient, mais même s'ils ne consommaient pas, comme je vous dis, ça leur faisait plaisir d'offrir aux leurs, à leur entourage, des gens qui sont aussi dans le besoin. Donc effectivement, moi je pense que ce colis doit rester. Maintenant, à la question... Mais alors, je reprends vos éléments, parce que vous me parlez, c'est un des mots-clés de votre conversation, vous me dites le plaisir d'offrir. Dans la mesure où vos parents n'utilisaient pas l'entièreté et que le reste était utilisé pour faire des gestes, ben, le plaisir d'offrir, il peut aussi aller à quelqu'un qui est dans le besoin. Oui, justement, voilà, ils ont des voisins, vous savez, qui n'a pas près de chez lui des gens qui sont dans le besoin de nos jours. Dans chaque entité, dans chaque ville, dans chaque village, il y a des gens qui sont dans le besoin, des gens, des Belges. Voilà. Alors, mais ça, c'est votre condition. Il faut que celui dans le besoin soit belge, sinon il n'a rien. Non, je ne dis pas ça. Voilà. Non, non, mais il y a des gens qui sont proches de chez eux, donc laissons-leur le choix de donner à qui ils ont envie de donner. Ah, ils ont le choix. C'est le conseil qu'on vous demande. Est-ce que vous conseillez à un senior de lâcher le colis pour qu'un réfugié demain le récupère, oui ou non ? Non, je ne pense pas, non. Pas du tout. Parce qu'effectivement, déjà, comme on dit d'autres... Mais plaisir d'offrir. Hein, plaisir d'offrir. Dans le colis. Des choses qui ne conviennent pas du tout aux musulmans, et de voir comment on a pu voir... Oui, mais ça, c'est pas grave, tous les produits ne correspondaient pas à vos parents non plus. Et les produits qui ne correspondaient pas à vos parents, ils les donnaient. Ben, le réfugié... Ils les offraient, oui. Le réfugié qui n'a pas besoin d'un produit, il le donnera à un autre réfugié. C'est le cycle. À un autre réfugié, mais non, tous les réfugiés sont d'origine, qui viennent de Syrie, ils sont tous des musulmans. Donc, pas d'alcool, pas de porc. Qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir la même chose que ce qu'on a vu à la télévision à Calais. La conversation, elle se focalise pas... La conversation, elle ne se focalise pas sur les saucisses Zouane. Vous comprenez bien le principe. Pourquoi oui, mais il y a la moitié du colis. Il y a peut-être la moitié du colis qui sera rejeté par les réfugiés parce que ça n'entre pas dans leur religion. Alors qu'ici, l'entièreté du colis peut faire plaisir à la famille, peut faire plaisir à des voisins. Oui, mais donc, c'est là que je vous dis stop. Puisqu'Ecolo nous dit que les colis seront reconditionnés, ce qui veut, à mon avis, là c'est un avis personnel, dire retravailler pour correspondre à la cible. Donc les réfugiés, ils n'auront pas la saucisse Zouane. Je pense qu'Ecolo, encore une fois, ne faisant pas partie de la majorité, veut faire un coup de pub. Donc voilà, ça c'est leur principe à eux. Chaque fois qu'ils sont dans l'opposition, c'est de pondre des idées. Mais lorsqu'ils sont dans la majorité, leurs idées ne sont loin d'être souvent les meilleures. Je vais prendre simplement l'exemple des panneaux photovoltaïques et des fameux certificats verts. Je ne vais pas faire leur punition aujourd'hui, mais tous ceux qui ont des panneaux photovoltaïques, je vous assure qu'ils ne doivent certainement plus voter écolo aujourd'hui. Ah ben c'est la parenthèse dans la parenthèse, sauf qu'ici on est au niveau local. Hein. Ce n'est pas une mesure fédérale, c'est au niveau local à Genappe. Vos parents étaient donc de là, Denis. Merci d'avoir raconté la joie d'offrir les petits colis. Frépont maintenant. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous avez 56 ans. Est-ce que ça fera plaisir à un réfugié d'avoir ce colis ? Ah, bien sûr que ça leur fera plaisir. Tout leur fait plaisir, les réfugiés. Mais ah, donc pas, il faut leur donner. Les seniors doivent renoncer. S'il vous plaît ? Alors les seniors doivent renoncer, si vous me dites que le colis leur fera plaisir. Mais bien sûr, tout leur fait plaisir à partir du moment où ils arrivent ici. Tout ce qu'on leur donne leur fait plaisir, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Je pense qu'il faut, arrêter de donner sans compter aux réfugiés et même au détriment maintenant de nos pensionnés locaux. Attendez, là on ne parle pas de l'État. On ne dit pas que c'est l'État qui va débloquer des autres budgets. On dit que c'est un citoyen qui se dit tiens, j'ai envie de faire plaisir, je donne mon colis. Ça ne va pas plus loin que ça. Hein. Oui, j'ai bien compris. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas les seniors qui veulent les offrir, c'est les écolos qui veulent leur prendre. C'est pas la même chose. Maintenant, si on doit prendre le pain hors de la bouche des seniors chez nous pour le donner aux réfugiés, il faut arrêter maintenant. Parce que je pense qu'on leur a déjà trop donné. On leur a tout donné, beaucoup, et encore plus. Et donc, si on leur donne une boîte de soupe et des biscuits de Bastogne, on va trop loin. Je pense que maintenant, ça suffit parce qu'on les a accueillis. Le peuple belge était un peuple très accueillant. Et je crois qu'on a usé et abusé de l'accueil des Belges. Il faut quand même un jour se rendre compte que la Belgique ne peut pas éponger la misère du monde. Et si on donne que les biscuits de Bastogne ? Sur ce colis, on prend que les biscuits de Bastogne. Il y a mort d'homme ? Mais je pense qu'il y a mort d'homme dans le sens où, si vous voulez donner des biscuits de Bastogne, donnez-les aux SDF, alors qu'ils sont tous belges, parce que des SDF étrangers, vous vérifiez dans les villes, dans toutes les villes, il n'y en a pas. Ah ben c'est là que je vous renvoie alors à la position du CPS, qui dit que les réfugiés ont des subsides qui leur viennent en aide. Ben les SDF dépendent aussi de budgets, de programmes, qui sont des programmes d'aide. Jean-Pierre, les seigneurs gardent le colis, c'est noté. 10h32, l'heure de la proportion maintenant. Marion dans les Appelantes ce matin, combien estime qu'Ecolo se trompe de cible et que ce n'est pas les seniors qui devraient faire des dons mais les grandes surfaces? 79% estiment que ce n'est pas les personnes âgées qui doivent se priver. Ecolo devrait plutôt aller voir du côté des grandes surfaces et leur demander de faire don de leurs invendus. Vincent de Flawin explique qu'il a été SDF pendant 5 ans et lui, il se nourrissait des invendus de grande distribution. Il explique que ses aliments sont corrects pour la consommation humaine et sont quand même disponibles, au moins en les donnant aux réfugiés, eh bien on ne prive pas les personnes âgées. RTBF Mobile Info, Stéphane. Ça ralentit toujours sur le 411 Benjamin en venant de Namur à partir d'Overey. Ajoutons 12 minutes à votre temps de parcours. Un accident sur le 314 Mass-Mekelen-Louvain à hauteur d'Arscott. La bande de gauche est neutralisée en direction de Louvain. Il y a des files. Toujours cet accident sur le ring de la capitale en circulation intérieure à hauteur de Bercel. Deux voies de circulation sont neutralisées vers Grand Billard et là c'est 30 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours, alors qu'ailleurs sur le ring en circulation extérieure, eh bien, on perd un quart d'heure entre Ytre et le Carrefour Léonard, un quart d'heure également entre Zaventem et Grand Billard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Le fils de l'imam de Dizon, celui qui en vidéo voulait tuer des chrétiens, est envoyé 3 mois en IPPJ. Est-ce qu'en 3 mois, on va pouvoir recadrer sa philosophie? J'attends un nom après la pause. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les poignets. On sort de l'eau, on prend sa serviette et on la tient bien fermement. Et on la laisse flotter au vent. Et hop, on la secoue. Allez, bien souple les poignets, il reste du sable. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Il y a des matins... T'as ton cartable ? Check. Ta boîte à tartines ? Check. Et ton CCML ? Double check. Qui ne changeront jamais. Oh, t'as tes clés ? Check. Ton ordi ? Check. Et ton CCML ? Double check. CCML, à savourer à tout moment, en route ou pendant votre pause. Dans la quiétude d'un site proche de la ville, le Collège du Sartet, à Hambourg, te propose un enseignement général de qualité avec option immersion en néerlandais. Ouvert sur le monde, le Collège du Sartet, pour une formation juste, efficace et porteuse de sens. Pour obtenir ton passeport pour la vie et ta place dans la société de demain, rejoins le Collège du Sartet à Hambourg. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Vous avez peut-être suivi l'actualité de ces 15 derniers jours, cette vidéo qui a fait polémique, celle qu'on attribue au fils de l'imam de Dizon, une vidéo où ce jeune homme est dans les rues de Verviers demandant en langue arabe la mort des chrétiens. Entre-temps, il dit « c'est pas ça que je disais que je voulais m'en prendre au régime du président syrien Bachar al-Assad, sauf que les mots se ressemblent ». Bref, hier, le jeune homme a été envoyé en IPPJ pendant 3 mois, voilà la décision prise hier. Est-ce que 3 mois, ça peut recadrer une pensée, une philosophie? Mélanie Joris, vous cherchez dans ce dossier le bon interlocuteur, avez-vous un nom? Oui, j'ai un nom, c'est Pierre-André Hallet, le président de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse. Alors le timing sera serré, il m'a déjà annoncé qu'il devra suspendre son audience pour répondre à nos questions. Alors pour donner quelques informations plus précises, notre pays dispose de 5 IPPJ pour garçons et d'une IPPJ avec une section réservée aux filles à Saint-Servais. Il faut distinguer les IPPJ à régime ouvert, comme à Jumet, les IPPJ mixtes avec un régime ouvert et une section fermée, et puis finalement les IPPJ à régime fermé. C'est le cas de Braine-le-Château où est enfermé le fils de l'imam de Dizon et à Saint-Hubert. Alors c'est le juge de la jeunesse qui décide des mesures éducatives comme par exemple le placement en IPPJ. Les faits reprochés peuvent être un vol avec violence, un vol qualifié ou encore un viol. Le juge se base sur une échelle de valeurs pour décider le placement en IPPJ fermé. Les faits reprochés doivent être équivalents à des peines de 5 à 10 ans de prison chez les majeurs. Laissez-nous un éclairage pour pouvoir fabriquer l'interview de tout à l'heure. Donc, avec ce juge de la jeunesse, laissez votre éclairage à Marion, standard. Oui, et Brigitte de Dizon explique que 3 mois en IPPJ, ce n'est pas suffisant. C'est le problème qu'elle explique. Sa fille est dans la même école que le fils de l'imam. Et elle explique que ce fils a déjà tenu de nombreuses fois ce genre de discours. Ce n'est pas la première fois qu'il dit ce genre de choses. Il l'a déjà dit en classe, dans la cour de récré. Et sa fille a peur. C'est pour ça que Brigitte de Dizon aimerait que ce jeune homme ne réintègre pas la même école que sa fille en septembre. Bon, le fils de l'imam de Dizon en IPPJ pendant 3 mois. 3 mois, est-ce que ça peut recadrer quelqu'un, reformater, déradicaliser, si j'arrive à le dire. Rendez-vous donc à 10h45. C'est vous qui le dites. Déradicaliser, en bon français. En attendant, vous avez choisi une conversation sur ce qui se passe à Genappe, où Écolo demande aux seniors de renoncer à leur colis cadeau alimentaire donné par la commune pour donner ce colis aux réfugiés. Est-ce que vous conseillez aux seniors de Genappe de renoncer au colis? 070-233-466, SMS 3063. Liège est en ligne. Marie-Claire, bonjour. Bonjour, Benjamin. Vous êtes dans la tranche d'âge, avec 73 ans. Si ce colis était dans vos mains, vous le gardez ou vous le donnez à un réfugié? Non, je le donne. Pourquoi? Ce n'est pas pour une boîte de soupe ou des conserves ou une boîte de Zouane ou une bouteille de Porto. Allez, on ne va pas mourir pour ça. Hein. Eh bien, c'est là que je vous arrête. Tous les autres m'ont dit, d'abord, c'est un cadeau de la commune à valeur symbolique énorme. Et puis, ce que je n'utilise pas dans le colis cadeau, j'aime encore bien de le donner à un de mes petits-enfants. Ben écoutez, mes petits-enfants, eux, ils ont déjà fait leur vie presque et tout. Ils n'ont pas besoin d'une boîte de soupe ou de boîte de conserve. Hein, ça, c'est... Mais c'est le geste, pas. C'est le plaisir d'offrir. C'est ce que m'a dit tout à l'heure Denis, qui était à Ans, par exemple. C'est le plaisir d'offrir. Oh, d'offrir une boîte de soupe, ça ne va pas. Pourquoi ce mouvement hostile, alors? Pourquoi tous les proches de seniors qui nous ont appelés ont l'air de s'accrocher à ce colis cadeau? Ben justement, parce que les gens sont de plus en plus égoïstes et je ne vois pas ce que ça va changer dans la vie d'offrir une boîte de soupe à mon petit-fils ou à ma petite-fille ou à mes arrière-petits-enfants. Et à ceux qui ont dit, mais madame, Marie-Claire, les réfugiés, ils ont déjà tellement. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben ils n'ont rien du tout, ils n'ont plus de foyer, ils n'ont plus de famille, ils ont des enfants... ils ont la moitié de leur famille qui sont tués. Ou, même le CPS le dit. Marie-Claire, ils ont des aides au logement. Le CPS de Genappe le dit. Ils ont des aides au logement. Ils n'ont pas besoin de colis alimentaire. Ben si. Pourquoi pas leur faire un cadeau à eux? Ben si. Ils ont besoin de tout. Si on fait un petit plaisir à nous, pourquoi ne pas le faire à eux? Dans le colis cadeau. Ils le méritent autant. Vous garderiez quoi, vous, dans le colis cadeau? Donc, il y a... Rien. Attendez. Du tout. La brique de soupe? Non, ah non, rien. Le paquet là. De café? Ils donnent tout. Non. Le Porto? Pas, pourquoi faire? Non, le biscuit de Bastogne? Qu'est-ce que j'en ai à foutre du biscuit de Bastogne? Bon, alors je ne vous parle pas des raviolis, des fruits en conserve ou encore des paquets de pâtes. Alors, Marie-Claire, les choses sont claires pour vous. Ce colis, vous le donnez. Il est 10h40, on appelle les experts. C'est donc une proposition écolo et la chef de groupe Écolo Genappe est en ligne avec nous ce matin. Anne Beguin, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous ne créez pas une collecte indépendante de produits que vous donnerez demain aux réfugiés? Pourquoi voulez-vous détourner le colis donné à des seniors? Alors, c'est vrai qu'on détourne le colis, mais on ne le détourne pas seul. Donc nous, on n'impose rien, on ne veut surtout priver aucun senior de notre commune. On propose simplement aux seniors de la commune de participer à notre projet solidaire. Et l'idée, c'est vraiment de redonner du sens à un projet communal que nous estimons dépourvu de sens et de signification. Mais à propos de signification, c'est vous qui utilisez, vous venez de l'utiliser, le mot détourner. Vous comprenez bien la signification de détourner quelque chose. Oui, plutôt que le colis arrive chez les différentes personnes à qui il est offert, eh bien, on propose de le détourner. On propose 4 dépôts sur la commune. Tout ça est bien indiqué sur notre site internet. Et nous, on reconditionnera l'ensemble des colis en colis cadeaux dans le cadre des fêtes de fin d'année. Ça veut dire quoi? Que vous enleverez quoi de ces colis? Pardon? Vous enleverez quoi de ces colis que vous allez reconditionner? On va peut-être rien enlever. On verra la composition du colis de cette année. Donc ça, on va rien enlever, évidemment. Hein. Donc l'idée, c'est de repartir des colis et de les offrir à notre tour, grâce aux seniors de la commune qui sont désireux de participer à l'action. Quel engouement à ce stade, quel engouement, parce qu'on voit que le CPS est très hostile à votre proposition. Les appels de ce matin ne disent pas un engouement extraordinaire. À Genappe, qui sont les seniors qui vous suivent ? Mais alors, c'est le tout début, mais c'est vrai qu'on a lancé un événement sur Facebook depuis le mois d'avril et on a déjà eu plusieurs réactions tout à fait positives et constructives de la part de seniors qui, d'habitude, refusaient déjà le colis parce qu'ils trouvaient que ce colis n'avait pas de sens. Et en fait, pourquoi ce colis n'a pas de sens ? Ben, simplement, pourquoi toucher un public particulier sur la commune et pas tous les autres publics ? Il y a assez de publics défavorisés. Enfin, voilà, pourquoi les seniors ? Pourquoi au mois de septembre ? Et pourquoi un colis fait de produits de la grande distribution alors que nous avons des producteurs locaux magnifiques ? Vous contrecarrez les plans du CPS qui voulait récupérer la marchandise des colis non distribués pour les donner, je cite, à des plus de 65 ans dans le besoin. Vous contrecarrez les plans et l'aide du CPS ? Non, d'abord, les plans d'aide n'étaient absolument pas... ce type de plan n'a jamais été communiqué. Si le CPAS réagit comme ça, c'est probablement en réaction à notre initiative. Mais notre initiative, elle est de toucher les réfugiés de l'ensemble du Brabant wallon, pas que les réfugiés de Genappe, dont on sait que le CPAS se préoccupe pertinemment bien. Cette année, on a décidé, vu la crise migratoire, de toucher les réfugiés. L'an prochain, on peut toucher un autre public cible. Hein, je veux dire, on ne se focalise pas sur un public en particulier que sont les réfugiés. Voilà, on a effectivement, on est touché par rapport à la crise migratoire. Et nous, on offre ce cadeau, non pas maintenant au mois de septembre, mais ça sera dans le cadre des fêtes de fin d'année. Donc à ce stade, l'opération est maintenue ? Oui, bien sûr, okay. Puisque c'est une opération qui est uniquement volontaire, qui repose sur l'initiative des personnes. Et je remercie la dernière auditrice qui a bien compris l'enjeu. Et voilà, notre idée n'est vraiment pas de priver qui que ce soit. Et je peux très bien comprendre que si les personnes sont démunies et sont très contentes de recevoir ce cadeau, bien évidemment qu'elles le gardent. Mais tant d'autres seniors, comme le dit Marie-Claire, n'en ont pas besoin ou ne voient pas très bien le sens de pourquoi est-ce qu'on leur offre ce type de produit. Alors le propos est clair. Marie-Claire, c'était la parenthèse, était à Liège. Elle n'était effectivement pas concernée en première ligne. Merci d'avoir dit alors votre position et la démarche qui est la vôtre. Chef de groupe écolo à Genappe, Anne Beguin, merci de nous avoir rejoints. On va au 070-233-466 où les mots apparemment, Marion, sont durs pour décrire ce qu'écolo demande aux personnes âgées de Genappe. Oui, Laetitia de Hambourg parle d'un transfert de misère. Écolo demande aux personnes âgées qui sont déjà faibles et en précarité de donner à d'autres personnes âgées en précarité. Alors Laetitia d'Hambourg trouve que c'est une idée tout simplement ridicule. Marine de Étain-Puy, elle rappelle que donner c'est donner, reprendre c'est voler, ce sont les bases, c'est ce qu'on apprend aux enfants dès la primaire, dès la maternelle. Alors pourquoi écolo, un parti, donne un cadeau à des personnes âgées et puis ensuite demande à ces personnes âgées de le redonner à quelqu'un d'autre? Marine n'a jamais entendu une telle ineptie et Gérard de Dinan est très fâché, lui, parce qu'on fait passer les personnes âgées pour des égoïstes alors qu'en soi c'est un cadeau qu'ils ont reçu, ils font ce qu'il veut avec. Châtelet, 66 ans. Sylviane, bonjour. Bonjour. Vous avez bien compris que les seniors de Genappe n'étaient pas obligés, hein ? C'est sur une démarche volontaire. C'est bien ? Oui, j'ai bien compris. Donc c'est bien ? Seulement, j'estime, moi, que déjà, on nous a réduit notre pension, que... Ça, c'est pas la faute des réfugiés. Non. Ça, c'est le gouvernement. Et si je pouvais dire à cette dame d'écolo, eh bien, qu'elle prenne, elle, de son salaire et qu'elle verse... Parce que voyez-vous, monsieur, malgré le peu que j'ai pour vivre, je fais quand même des dons pour des causes humanitaires. Alors le colis, vous le gardez ou vous le gardez pas ? Je le garde. Vous le gardez. Vous aurez eu pour l'instant le dernier mot, Sylviane, depuis Châtelet. On va marquer une nouvelle pause et aller vers la question qui dérange. Le fils de l'imam de 10 ans qui voulait tuer des chrétiens en plein Verviers dans une vidéo. 3 mois en IPPJ, ça sert à quelque chose ? Réponse après ceci. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée ? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée avec Cyril. Vivacité à viser en toute complicité sur 90.5 FM. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hello, c'est Balloons. Je vous invite à me retrouver ce samedi 27 août à Mété lors du Beau Vélo de Ravel. Je suis heureux de partager la scène avec Suarez et le duo Fanfan. Ensemble, on va vous en mettre plein les oreilles. Rendez-vous en pleine forme ce samedi. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 27 août à Mété. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Le fils de l'imam de 10 ans, vu donc dans cette vidéo il y a 15 jours, tourné de nuit en plein Verviers, il voulait tuer des chrétiens. Eh bien, le fils de l'imam de 10 ans a été arrêté hier, envoyé 3 mois en IPPJ. 3 mois IPPJ, est-ce qu'on peut déradicaliser quelqu'un avant d'interpeller, j'espère, le président de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse? Dernier éclairage au standard, Marion. Eh bien, le problème pour Nicolas de Hollange, c'est que mettre un adolescent en difficulté et en décrochage au contact d'autres adolescents en difficulté, eh bien, c'est tout simplement pas la solution. C'est lui donner une mauvaise influence et d'autres mauvais contacts. Ce n'est pas en IPPJ qu'il va changer de philosophie, c'est clair. Ce garçon a reçu une mauvaise éducation. Le travail est donc à refaire depuis le début, à refaire depuis la base. Ça va prendre plus de 3 mois et surtout, une fois qu'il rentrera chez lui, eh bien, il faudra tout recommencer à zéro. Bon, vous savez qu'en ce qui nous concerne, c'est le sans-filet. Hein. On cherche nos experts le matin même, en temps réel. Vous nous aviez amené Pierre-André Allais, président de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse. Où est-il, Mélanie? Alors, ce matin, il est en audience. Il nous avait promis d'interrompre son audience pour répondre à cette interview. Il devait prendre 5 minutes pour répondre à nos questions. On est en train d'essayer de le joindre. En principe, il devrait pouvoir se libérer d'ici 1 à 2 minutes. Bon, alors on espère l'avoir en ligne. Il est 10h49, 20 secondes et nous irons jusqu'à 10h53. Vous voyez que les fourchettes sont particulièrement serrées. Demandons un avis en attendant à ceux et celles qui ont amené un éclairage par SMS au 3063 ou au standard. Soumagne, par exemple. Stéphane, en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre sensation, 3 mois dans une IPPJ, qui est un centre fermé, vous pensez que ça peut recadrer quelqu'un qui, dans une vidéo, dit vouloir tuer les chrétiens? Pas du tout. Ça ne servira strictement à rien du tout. Ça peut servir à quoi, alors? À pas grand-chose. Je trouve que ce type est potentiellement dangereux et que finalement, ben, il risque d'être une menace plutôt que de s'assagir. Mais il y a un signal, quand même. IPP. Voilà quelqu'un qui était dans la société qui faisait une vidéo de nuit et qui vient d'être placé en IPPJ. C'est un bon signal ou pas? C'est difficile à dire. De toute façon, il n'aurait pas pu être placé ailleurs. Alors, on va éclaircir ça avec le président de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse qui nous rejoint donc en pleine audience. Merci Stéphane d'avoir entamé la conversation. Pierre-André Allais, le temps nous manque, nous serons particulièrement rapides. D'abord, un point de détail sans aller sur le fond de ce dossier-là, mais on ne comprend pas. Donc voilà quelqu'un qui est accusé d'avoir fait une vidéo où il dit tuer les chrétiens. La ligne de défense est, mais j'ai pas dit ça, en fait, je me suis trompé dans les mots en arabe. Et boum, 3 mois en IPPJ. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de tribunal? Non, attendez, c'est parfaitement illégal. Hein. Un juge de la jeunesse, dans le cadre des mesures provisoires, ce qu'on appelle les mesures d'investigation, ne doit pas déclarer le fait établi pour pouvoir confier un jeune provisoirement dans une IPPJ. Il hein. Ne faut pas confondre jugement et phase provisoire avant jugement. Nous sommes ici dans le cadre des investigations à l'égard de ce jeune, et parmi les mesures possibles, il y a placement en IPPJ. Il doit simplement exister des éléments dans le dossier qui permettent de considérer qu'il pourrait y avoir un fait qualifié infraction. Mais c'est pas pour autant que le fait doit être déclaré établi à ce stade-ci. C'est par jugement, et ça, c'est dans une phase postérieure, après les mesures d'investigation. Donc c'est parfaitement légal. Le mot est brutal, puisqu'on n'en est pas encore à parler vraiment de réinsertion, mais le mot est brutal. Est-ce qu'il y aura là un recadrage mental? C'est ça qui nous intéresse dans le fond. Mais le mot est brutal. Un recadrage mental. Le terme recadrage n'est pas le terme judicieux. La mission des IPPJ, c'est de tenter d'appliquer des mesures éducatives plus ou moins strictes en fonction des difficultés. jeunes au sein de l'institution. Le terme recadrage mental ne me paraît pas le terme judicieux, mais j'utiliserais plutôt le terme de mesure éducative propice à l'amélioration de la situation du jeune. Mais il parlera de ça avec qui ? Avec un imam ? Il y a des imams en IPPJ ? Tout à fait, absolument, c'est tout à fait possible, et effectivement des structures de cet ordre-là, il peut y avoir un imam dans les IPPJ, ça se fait, il y a une équipe psychosociale composée d'assistants sociaux, du psychologue, et effectivement, il peut y avoir un imam, comme peut y avoir des représentants d'autres religions qui peuvent intégrer l'IPPJ pour avoir des rencontres avec les jeunes, ça se fait régulièrement. À Braine-le-Château, on est dans des chambres ou des cellules fermées où on peut circuler librement ? Ah, au sein de la structure, on peut circuler plus ou moins librement, mais ça reste un centre fermé, entendons-nous bien. Donc la possibilité de quitter les PPJ est quasiment réduite à néant parce que c'est une structure fermée, contrairement aux IPPJ ouvertes. Il y a effectivement des cellules, mais le terme n'est peut-être pas très adéquat, moi je dirais plutôt des chambres au sein des PPJ, mais ça n'empêche pas le jeune de circuler au sein des PPJ librement, mais encadré par des éducateurs. 35 secondes devant nous, est-ce que là, à l'IPPJ, il sera privé de visite familiale où il pourra encore voir son père, l'imam de Dizon ? Les choses se déroulent de la manière suivante. Durant les premières semaines, il n'y a pas de possibilité de sortie. L'équipe psychosociale prendra contact avec les parents ou le parent du mineur et avec l'autorisation du juge, des contacts pourront être organisés ou ne le seront pas si le juge estime que ce n'est pas opportun dans l'intérêt du jeune. Donc il y a évolution possible. Merci alors pour l'ébauche de réponse, mais vous connaissez la règle de ce temps qui nous est imposée. Vous êtes président de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse. On va vers les enseignements dans une seconde. Delta Construction, spécialisée dans la réalisation de maisons unifamiliales sur mesure, vous invite à découvrir une maison basse énergie à Villers-le-Bouillet, rue de Beaudenier, le week-end du 27 au 28 août de 13 à 18 h. Plus d'infos, delta-construction.be. Delta Construction, votre maison comme vous l'imaginez. Et déjà la nostalgie ce mercredi dans le 8-9. Pas la nostalgie des vacances, la nostalgie des années 80. Caroline Loeb viendra nous raconter ses années de A à Z, de la musique à Dallas, en passant par ses rencontres avec Madonna ou la croisière s'amuse. Et vous, vous aviez quel âge en 1987 ? Répondez pas maintenant, répondez ce mercredi dans le 8-9 sur la Une Télé et sur Viva. Le 8-9, avec Benjamin Maréchal. Bonjour, c'est Michel Vincent de Liège Aller-Retour. C'est la rentrée radio. Et je vous retrouve avec plaisir et un maximum de bons plans chaque après-midi dès 15h sur Vivacité. Et si vous commenciez la nuit dans les bras de Régine Dubois ? De 23h à minuit, on croit rêver. Et si vous la terminiez avec Bernard Dewey ? Vivacité vous accompagne 24h sur 24. Même sous la couette. Elle est pas belle la nuit ? Vous aimez nos émissions ? Vous voulez être le premier à savoir ce dont on parlera aujourd'hui ? Vous avez envie de partager vos idées ? Ou de retrouver des infos données à l'antenne ? De tout connaître des coulisses de la radio ? Bref, vous aimez Vivacité ? Cliquez-le, nous sommes sur Facebook. Tapez Vivacité et cliquez sur J'aime. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Oh, Caro ! Je viens liker ton dernier commentaire en direct parce que j'arrive plus à le faire avec mon vieux GSM. Mais tu viens quand même de loin. Oui, mais c'est pas grave. Je te laisse, je vais liker la photo de profil de Marie. Ne perdez plus une seconde pour liker. Profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Sur Viva, les enseignements, on commence par le débrief de la question qui dérange sur Facebook. Zoé Boss, le fils de l'imam de Dizon, en IPPJ pendant 3 mois. Pour quel résultat ? Et sur la page Facebook, vous êtes 40 109 à faire le débat ce matin avec ce commentaire de Micheline. Ce jeune homme doit avoir un très bon avocat. Son placement en IPPJ, c'est juste pour le fun car ces gens-là, l'État n'y touche pas, nous dit Micheline. La preuve, ils sont connus pour leur radicalisme, donc la haine du pays où ils vivent et sont toujours là. Nous ne pouvons que constater les dégâts de cette incompétence, conclut Micheline sur notre page Facebook ce matin, Benjamin. Vous avez souhaité une conversation sur les seniors de Genève qui sont invités par Écolo à renoncer à leur colis cadeau alimentaire pour le donner à des réfugiés, eh bien, votre conseil aux seniors de Genappe en masse, c'est de garder ce colis. Très grande majorité des appels qui souhaitent que le senior garde ce colis. D'abord parce que c'est un appoint utile aux seniors, avez-vous dit, et puis aussi pour le plaisir d'offrir et de partager avec les petits-enfants uniquement dans la cellule familiale. Vous aurez, et vous avez noté ce matin, le besoin d'une réflexion sur le public dans le besoin. Il n'y a pas que les réfugiés. Et puis... l'hiver qui m'atteint déjà, et puis surtout le positionnement des experts. Écolo précise bien que ceux qui sont déjà intéressés par le don de colis étaient des seniors et sont des seniors qui ne le prenaient pas jusqu'ici. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Marion. C'était Henriette de Limal. Henriette trouve que les personnes âgées de Genappe devraient donner leur colis, devraient partager. Henriette est elle-même dans le besoin et pourtant, elle partage le peu qu'elle a dès qu'elle en a l'occasion. Henriette fait ce constat, si tout le monde aidait son prochain, qu'il soit belge ou réfugié, jeune ou âgé, eh bien la vie serait tout simplement plus belle. À 9h, il y avait 3 débats sur la table et vous avez choisi d'aller plus loin sur la commune qui donne aux seniors, qui donne aux réfugiés. Parmi les moments de ce matin. Ce matin, il y a eu Bertrand à Leuze en Hainaut à 10h15. Bertrand donne ce conseil aux personnes âgées de Genappe. Ne donnez pas votre colis ni aux réfugiés ni à quelqu'un d'autre. Vous l'avez mérité, il est à vous. Pourquoi devrait-il être privé? Je ne vois pas pourquoi. Pourquoi est-ce que... un réfugié, il ne sait pas le faire, alors ils ont un cadeau par mois, ils ont droit au CPS alors que moi pas. Pourquoi est-ce que moi, qui ne suis pas encore senior, je n'y ai pas droit? Mais vous voulez quoi? Elle est où l'égalité des chances? Où est-elle? Je trouve que ça peut constituer un généreux cadeau, puisque ce ne sont pas des denrées qui sont absolument indispensables à ces personnes, mais elles permettent quand même à certaines qui ont moins de revenus de pouvoir bénéficier d'un petit extra de temps en temps. Donc je pense que ces personnes doivent le garder. C'est pas le contenu qui est important, c'est le geste. On leur offre un cadeau, qu'on leur laisse ce cadeau, s'il vous plaît. Vous, le cadeau, vous le gardez? Ben, le cadeau, moi, je le garderai, bien sûr. Il y a d'autres alternatives pour ne pas spécialement utiliser le cadeau que ces personnes âgées reçoivent une fois par an. Et ben, elles sont heureuses. Dans chaque entité, dans chaque ville, dans chaque village, il y a des gens qui sont dans le besoin, des gens, des Belges. Tous les réfugiés sont d'origine, qui viennent de Syrie, sont tous des musulmans. Donc, pas d'alcool, pas de porc. Il y a peut-être la moitié du colis qui sera rejeté par les réfugiés parce que ça n'entre pas dans leur religion, alors qu'ici, l'entièreté du colis peut faire plaisir à la famille, peut faire plaisir à des voisins. Tout leur fait plaisir à partir du moment où ils arrivent ici. Tout ce qu'on leur donne leur fait plaisir, mais ce n'est pas le but de la manœuvre. Je pense qu'il faut, arrêter de donner et de donner sans compter aux réfugiés et même au détriment maintenant de nos pensionnés locaux. Et on vous attend sur la page Facebook pour continuer la conversation. C'est là que le débat se poursuit avec les replays en ligne dans quelques instants. Merci pour nos 2 heures de dialogue. On se retrouve demain.